Bienvenue pour ce nouveau numéro de Impact Wrestlers. Aujourd'hui, on va parler de Final Resolution, le dernier pay-per-view de la TNA. Un petit tour de table, un tout petit d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on n'est que trois pour ce dernier podcast de l'année pour la TNA. Alors, il y a Bruce à ma gauche. Ouais, salut, mais bon, en même temps, quantité n'est pas forcément égale à qualité, donc ma foi, au moins on est, plus de spécialistes on est, je dirais. Voilà. Et à ma droite, Sébastien. Eh oui, exactement. Salut, ce soir, un comité restreint, mais il y a la qualité quand même qui est là, donc on va faire un bon numéro, je le sens. Et sur le chat, il y a Gus, parce qu'à force de dire des conneries sur Jeff Hardy, bah, il a chopé la crève. Bien fait pour lui. Donc Ou en fait, Gus, je veux pas dire, mais ses analyses. Va te faire voir. Alors, juste au coup comme ça, moi je vais juste regarder. Va te faire de toute façon. Voilà, tout le monde. Non mais de toute façon je crois qu'il n'y a pas un seul numéro où quand j'étais à l'animation, Gus n'est pas venu me couper de toute façon. C'est pas faux. Bon, après, on verra ses analyses sur la TNA. Je crois que je suis en train de rire en disant ça, mais oui. Alors comme c'est un numéro sans Gus, bah forcément le programme est un petit peu plus étoffé puisque c'est nous qu'on a fait le programme. Donc review et analyse de Final Resolution. Et après on parlera des petites brèves de la TNA qui impliquent la vidéo retour qu'on a vue à... Je crois que c'était au pay-per-view, hein. Je sais plus. Je crois que c'était au Ben, je pay-per-view. sais pas, c'est surtout qu'elle a été pas mal diffusée sur YouTube, là, par TNA, Ouais, donc. ma pile était très courte, mais je crois qu'elle a commencé à être diffusée au pay-per-view. Donc Ah on parlera de cette vidéo mystère. On parlera aussi de Lockdown, puisque la TNA, bon, on va vous en parler après, qui a lieu d'ailleurs au mois de mars, ce Lockdown, si je ne me trompe pas. eh oui, Oui. le 10 mars exactement. Qui est un petit peu l'un des plus gros pay-per-view de la TNA avec Sami Vassory et Bound for Glory. On parlera aussi d'un. On fera un petit bilan 2012. Patience lose, mais ne pas préciser plus. Ça, ce sera une brève. Merci de me couper. On parlera du bilan d'année pour la TNA. Et oui, on parlera aussi un peu du dernier impact qui a été moyen au niveau de la qualité, mais il y a eu des rebondissements, on va dire. Donc, Broussi, comme c'est toi au montage, tu as lancé un petit jingle? Bah oui, c'est parti. C'est parti, on est lancé pour la review de Final Resolution, un pay-per-view qui a eu lieu à l'Impact Zone, à Orlando, en Floride, le 9 décembre dernier, donc dimanche dernier, puisqu'on enregistre ce jeudi 13 décembre. Au commentaire, il y avait Mike Tenay, Taz et Todd Kennelly. Et c'était un pay-per-view. Comment vous avez trouvé globalement ce pay-per-view, messieurs? Sébastien? Globalement, pour moi, c'est un pay-per-view qui est plutôt pas mal dans le ring, mais il n'y a vraiment aucun événement majeur autour de ce pay-per-view. Donc, c'est-à-dire que tu peux totalement zapper. Si tu regardes pas ce pay-per-view, tu peux continuer à suivre les storylines TNA, donc totalement zappable pour moi. Aussi. Ben bon, on va détailler, mais bon, on va dire que c'est un pay-per-view regardable, bon, légèrement en dessous des précédents quand même. Enfin légèrement, un peu plus que légèrement, mais voilà. Mais bon, on va détailler tout ça à la fin et puis au fur et à mesure. On peut commencer par le début. Bah oui, par l'opener. Un opener qui n'était pas prévu entre James Storm et Kazarian. Donc il y a eu un petit segment pour mettre ça en route, un petit segment en micro. James Storm qui dit qu'il ne devait pas catcher ce soir, mais qu'il est prêt à combattre s'il faut. Bah ça tombe bien, Kazarian l'interrompt. Je sais plus trop ce qu'il dit, je crois qu'il dit qu'il a pas eu une très bonne année, James Storm. Bah non, en fait, James Storm, il dit déjà bon, qu'il s'était fait un petit peu niquer par Bobby Roode, là, pour le poste challenger à Jeff Hardy, qu'il a gagné à Bound for Glory, non, pas Bound for Glory, j'ai une connerie, à Turning Point. Bah, en fait, là, il veut botter les fesses de Bobby Roode parce que le jeudi qui précédait la Impact, lors d'un match qu'il disputait là, avec Jeff Hardy, Jeff Hardy s'est fait attaquer par SSC Zenate qui est un petit peu payé par Bobby Roode. Voilà. Donc c'est un match qui a duré 6 minutes Et 10. Kazarian est arrivé au fait, hein, il n'avait pas prévu de lutter, mais finalement, bon, il a dû. Oui, il a interrompu le discours de James Storm et puis c'est parti en combat. Donc un match de 6 minutes 10 avec comme vainqueur James Storm, avec son Last Call Super Kick. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs Bruce? Un excellent opener disputé dans une ambiance assez dingue, c'est très rare de souligner. Ça, l'Impact Zone, il n'y a pas eu de magouillage de son, c'était parfait. Très bien lancé par le segment qui était plutôt solide. Et c'était un match à deux talents oubliés. Bon, mais en voyant déjà James Storm débarquer, là, je me suis dit, bon, mais Kazarian va suivre parce que bon, il n'y a peut-être pas vraiment de lien au départ, mais à l'arrivée, il y en a. Parce que Kazarian est un petit peu, on va dire, dans le camp de Bobby Roode, en quelque sorte. Donc, à partir de là, bon, bah, ils se sont dit, on va faire un très bon opener d'entrée avec de talents sûrs, et puis c'est ce qu'il y a eu. Et le match m'a fait penser à un match qu'ils avaient eu précédemment, il y a, je crois, 2 semaines avant, hein, à Explosion. Pareil, qui durait 7-8 minutes, là, excellent rythme, et même déroulé, toujours très agréable. Bon, pas très inédit du coup, vu qu'il avait déjà eu Explosion, un peu le même déroulé, mais très agréable vraiment. Ouais. Personnellement, j'ai trouvé que c'était le meilleur match de la soirée. Alors bien sûr, si on enlève les deux derniers matchs. Mais sinon, quand on regarde le Osinawis contre Bully Ray, le match par équipe, que ce soit pour les titres ou pour contre SSNet, et puis le match, bon, match féminin, j'en parle pas parce que c'est un peu à part. Mais le match Exhibition, je pense que c'était le meilleur match de la soirée. À part bien sûr les deux excellents derniers matchs, mais je trouvais qu'il y avait un très bon rythme, mais qu'il n'y avait pas vraiment de pause, quoi. Sébastien. Ben moi, j'ai pas été aussi impressionné que vous pour ce combat parce qu'il n'est pas très long le combat, donc il n'y a pas grand-chose que je vais retenir de ce match. Après, moi, ce qui me choque surtout, c'est de voir James Storm à Bound for Glory, il bat Bobby Roode. Le pay-per-view d'après, il devient number one contenders. Et là, il est jeté dans un pay-per-view à la dernière minute sans qu'il soit même pas sans qu'il y ait aucune promotion en fait sur sa venue. Et donc ça me gêne un petit peu de voir comment James Storm est redescendu sur la carte aussi rapidement, en l'espace d'un mois. Bah, je pense que c'est surtout parce que Bobby Roode était challenger, comme il avait gagné le. Enfin, il avait gagné la revanche, entre guillemets, à Impact pour la place de challenger. Donc, je pense qu'en note. Je pense aussi que c'est parce que Storm est face. Et comme a dit aussi face, faire un combat face contre face, c'est pas dans. Ça se fait pas souvent, quoi. Donc, je pense que c'est pour l'instant le temps de lui trouver un truc, quoi. Puis, par exemple, Ouais, mais. à Slammiversary, qui est un gros pay-per-view. Je crois qu'il avait affronté Crimson pour mettre un fin à son invincibilité. C'était pas un match super attendu, c'était un match surprise d'ailleurs, comme là. Mais je pense que c'est juste pour le faire matcher, surtout qu'il était blessé, il me semble. Il a un petit Oui, problème aux voilà, c'est côtes, là je que je crois. voulais en venir. Oui, c'était ça. Oui. Mais c'était une surprise de le voir quand même déjà débarquer l'entrée, parce que c'est vrai qu'il est annoncé blessé aux côtes, donc normalement il devait se reposer. C'était pour ça. Bon, après, ouais, c'est vrai que je suis un peu comme Sébastien, c'est un petit peu déçu de la place de James Storm, mais bon, à mon avis, il va vite revenir en haut. Je vois pas de raison. Il est le favori de la foule et il n'y a qu'à voir l'ovation. Je vois pas comment il peut descendre. C'est pas Ah, possible, ce serait se tirer une balle dans le pied, quoi. c'est l'un des faits c'est le plus applaudi avec AJ Styles et Jeff Hardy. Hein. Et oui, en plus, donc voilà. Bon, c'est une constatation qu'on va le voir, à mon avis, assez rapidement dans un gros match. Et je vois pas. C'est sûr qu'avec Jeff Hardy, champion, ça le bouche dans l'immédiat, mais. À mon avis, la donne va changer. Bah, puis c'est surtout qu'il y a eu une grosse rivalité de plus d'un an avec Bobby Roode. Bobby Roode est maintenant parti sur le titre poids lourd. Enfin, même si je pense qu'avec ce qu'il y a eu en main event, il va pas y être très longtemps. Mais voilà, il faut lui trouver une nouvelle rivalité. En attendant, forcément, il match quoi. Il y a pas de. Non, on verra Apparemment, bien ce qui. il va en clasher sur une rivalité contre AJ Styles d'après les rumeurs. Et comme c'est parti à l'écran, je pense que ça va effectivement se concrétiser. Ce serait bizarre, comme je dis, que Hardy et Face, AJ aussi. Donc, est-ce qu'il y aurait un turn de James Storm? Je verrais Non. plutôt AJ Styles, moi, parce qu'il est actuellement sur une série de défaites assez impressionnante. On va en reparler plus tard, mais je crois qu'il y a quelque chose qui l'attend, comme un petit turn, un truc comme ça, mais il va plus rester face longtemps. Alors, je me trompe peut-être, mais la dernière fois que Styles était heel, c'était pas quand il était accompagné de Ric Flair, Oh ben il me si, semble. évidemment, oui. Et bah, La dernière fois qu'il était champion, quoi, ouais. c'est pas des bons souvenirs, hein, personnellement. Enfin, même si je regardais pas régulièrement la TNA à cette époque-là, mais il me semble qu'il était pas très bon en heel, quoi. Et Bon, on verra paradoxalement, c'était bien. là où il était champion du monde poids lourd. Mais c'était pas la fin de son règne? Je sais pas si. Non, non, je crois pas. Non? Non, non. Non, non. Il a quand même été champion un bon bout de temps, hein, il est donc. Même c'est bizarre parce que, enfin, après, bon, ça reste des rumeurs, et les rumeurs, faut s'en méfier, mais enfin, ça m'étonne. Oui, enfin, il y a quand même eu des segments entre les deux. Par exemple, Storm qui gagnait un match à la place de Styles et aussi le match à 3 là, du dernier pay-per-view. Mais ça m'étonne un peu qu'ils partent sur une rivalité comme ça, surtout que les deux sont face. Bon, après, on verra ce que ça donne. Ce sera peut-être que pour un match de pay-per-view, mais on verra. Donc, je pense qu'on peut passer au match suivant, messieurs. Oui. Je pique la catchphrase à Gus, je suis content. Donc, c'est un match pour le titre X-Division. Ça a duré 9 minutes 20 entre Roman Damme, le champion, et Kenny King. Donc, Kenny King est devenu challenger en gagnant un match contre Kid Cash et Zimayon à Impact. Le Impact juste avant, 3 jours avant le pay-per-view. Et donc, ce match opposait Kenny King à Roman Damme. Qu'est-ce qu'on avait pensé, messieurs Sébastien? Bah moi, vous allez peut-être me trouver sévère, mais j'étais très déçu par ce combat parce que j'en attendais énormément. Pour moi, c'était vraiment un dream match, Kenny King contre Rob Van Damme. C'était encore une affiche impossible il y a quelques mois. Et là, on a la concrétisation dans le ring. Et donc, je m'attendais vraiment à ce que ça explose dans tous les sens. Et finalement, j'ai vraiment été déçu. Il y avait pas mal de botches. Le match est pas super long. Et le résultat final était couru d'avance. Ça c'est bah, pour moi, c'est une déception. Bah, je te rejoins à moitié sur son point parce que autant j'en attendais pas des masses parce que Roman Damme, voilà, c'était un très bon catcheur pour moi, ça l'est plus. Il peut faire ressortir un bon match de temps en temps, mais pour moi il est plus assez appliqué dans le ring et plus assez en forme tout simplement. Parce que vu son style de catch assez particulier qu'il avait, ça demandait des qualités physiques d'un haut niveau et bah, forcément avec l'âge il avait. Je sais pas s'il a dépassé 40 ans, faudrait vérifier ça, mais en tout cas il doit. Si. Oui. Donc bah voilà, dire c'est comme dans le foot, quoi. Quand t'as dépassé 40 ans, t'es plus proche de la fin que du début. Oh, ça veut rien dire. Ça dépend Oui, comment non mais après. il prend soin de lui et puis comment il prend le boulot, on Non va mais je veux dire dire, aussi. tu peux plus catcher de la même façon quand t'en as 25 ou 45. Ah oui, bon, son style, d'accord, son style, oui, c'est sûr, c'est Oui, pas le même. voilà. Bah, c'est comme Un Jeff Hardy. Kane, par exemple, il peut catcher comme il catch Oui. au-delà de 40 ans, comme il montre Non mais c'est. actuellement. Mais c'est vrai que C'est comme. Jeff Hardy, oui, Oui, aussi, voilà. c'est vrai qu'il va atteindre bientôt cet âge. Donc, Oui, non, mais Jeff Hardy faisait beaucoup plus de prises à haut risque. C'est 60 bombes de 6 mètres de haut ou en haut d'une cage. Il en fait de moins en moins souvent, pardon. Mais voilà, Roman Damme, avec l'âge, il peut plus sortir des matchs super en voltige. Donc pour moi, voilà, j'en entendais pas tellement de ce côté-là. Mais en même temps, je me disais, Kenny King, c'est un super catcheur, il est jeune, il peut sortir son épingle du jeu, surtout contre un catcheur expérimenté comme ça, comme Ronda, mais aussi populaire. Et finalement, non, parce que le match dure pas longtemps et que le rythme n'est pas super non plus. Et en plus, il y a un ou deux botches, je me souviens plus lesquels, parce que bon, j'ai vu assez rapidement le pay-per-view, enfin, je l'ai vu lundi, je crois, et je me souviens plus trop du match, mais il me semble qu'il y a quand même un ou deux botches assez flagrants. il y en a un qui m'a choqué, c'était quand Rob Van Damme il était sur les cornes en fait, et Kenny King il tente un coup de pied un petit peu comme Kofi Kingston, Trouble in Paradise, et il tape totalement à côté, tout le monde le voit en fait qu'il ne touche pas du tout Rob Van Damme. C'est dommage. T'as pas trop parlé sur le match Roussi. Ah oui, non, pas du tout même. Non, mais je comprends la déception de Sébastien en entendant ses explications. Parce que moi, j'avais pas spécialement de hautes attentes, même si Kenny King, moi, je connais très bien. Moi, je lui trouve un talent assez similaire à celui de Shelton Benjamin. C'est surtout que le mec, il apparaît à Destination X pour avoir le contrat. Il apparaît une autre fois dans un match contre Zimayon pour le titre. Et puis après, il disparaît complètement. Et il réapparaît là au tout dernier moment pour gagner un match Challenger. Donc, bon, faut pas non plus lui demander la lune. Et surtout que la semaine d'avant, en plus, lors de. Non, c'était pas Open Fight Night, c'était le Championship Thursday. Thursday. Il est même pas sélectionné, il est viré comme ça. Le mec, il vient de Las Vegas et puis allez, repart. Tant qu'il est pas stable, c'est sûr, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas trop ce qui se passe. Même la ROH, je lui garde la porte ouverte du coup parce qu'elle voit que c'est pas très stable à TNA. Donc, concernant le match, moi, ça m'a pas dérangé. C'est vrai que la X Division, de toute façon, faut se dire que c'est souvent synonyme de botch, on va dire. Hein. Surtout quand c'est pas des catcheurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. Et puis, Rob Van Damme, il était pas très très motivé. Il a pas fait grand-chose. Hein. Il a fait juste ses prises à la toute fin. Et puis voilà. Hein. Mais Oui, mais. moi, ça m'a pas dérangé vraiment, hein, à vrai dire. Le match, j'ai plutôt bien apprécié. Bon, je l'ai vu en live, et donc. Ça change peut-être la perception. En live, peut-être c'est différent paradoxalement de regarder un petit peu par rapport aux différés, mais moi le match, je trouvais plutôt agréable. Bon, pas énorme, mais il tenait très bien en route grâce à Kenny King, pas à Van Damme, ça c'est sûr. Mais tu dis exhibition égale botch, mais Forcément, quand tu tentes une centaine de prises aériennes ou à haut Bah, c'est pour ça risque, oui, que je dis ça, oui, oui, voilà. sauf que là, le contenu est pas assez étoffé pour qu'il y ait des centaines de botches. Enfin, après, il n'y en a pas des centaines non plus, mais il y en a de gros, donc c'est quand même assez gênant. Après. Ouais, je sais pas, j'aime plus de la faute aussi à Rovandam parce que il était pas très très travailleur dans ce match-là aussi. Peut-être lui aussi se place peut-être pas assez bien et puis bon, je sais pas trop, il y a des trucs comme ça. Il a pas aidé quoi, moi je pense. Après, la mise en avant de l'exhibition n'est pas non plus super, quoi. Ils ont eu C'est pas ça. un match à C'est ça. Impact, déjà d'ailleurs très bon, avec un Kid Cash qui retrouve sa jeunesse, j'ai envie de dire. Ils ont fait un match pour trouver un challenger parce qu'il fallait bien défendre la ceinture, mais sinon, voilà, l'exhibition n'est plus que ce qu'elle était, quoi. Bon, Ouais, on sait ça plus c'est trop clair. sur quel pied danser. Ouais. Il y a eu une période où c'était catastrophique. C'était revenu grâce à Harris et tous ces gros matchs contre Alex Shelley, Samoa Joe. On a eu une énorme pay-per-view Destination X centrée sur la X Division. Et puis là, c'est vrai que c'est retombé d'un coup et revendant champion. Comme quoi, je sais pas, cause à effet. Je sais pas. C'est vrai que le retour, enfin la fin du règne d'Aries a précipité un petit peu l'exhibition dans l'ombre. Ce qui est un petit peu gênant parce que dans à peu près 4 mois, bah, le champion exhibition va challenger le champion poids lourd. Bah, de toute façon, on attend tous que Zimayan récupère le titre pour avoir son fameux match contre Jesse Sorensen qui fera son retour très prochainement. Ça, franchement, j'en suis pas sûr. Parce que, j'ai envie de dire, cette rivalité n'a pas besoin d'une ceinture pour qu'elle ait lieu. Donc, C'est vrai que et c'est pas faux sur ce point-là, je suis d'accord, mais ça rajouterait quelque chose en plus, je pense. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de ceinture. en plus, ça étofferait la mid-card, puisque bon, ils ont un petit peu du mal à construire des rivalités, ça serait une rivalité à ne pas construire, par exemple. Donc, Ouais, c'est pas faux, ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. je pense qu'on va pouvoir passer au match suivant. Ouais. Un match pour les ceintures par équipe, un match de 10 minutes 38 entre Chavo Guerrero et Hernandez, qui sont les champions, contre Joe et Ryan et Matt Morgan. Alors premièrement, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe Joe et Ryan, Matt Morgan? Attends, t'as pas dit comment ça s'est fini d'abord le Oui, mais temps. justement, on va parler de l'équipe avant, puis après on va parler du match. Ah d'accord. Bah moi ça me fait déjà rire leur entrée parce que je sais pas si enfin ça pas à toi ça a pas dire grand chose mais peut-être à Sébastien. J'avais encore jamais fait gaffe comme ça le thème en entier comme ça et tout. Mais l'entrée de Joey Ryan et Matt Morgan c'était sur le thème de Joey Ryan et c'est le thème de Val Venis quoi à l'époque. Ça me fait rire. Ah oui, ça je me rappelais Quand pas. Val Venis il arrivait avec la serviette façon DSK quoi. Donc bon, à partir de là, écoute, ça fait un peu spécial. Et puis Matt Morgan, comment il est habillé, c'est sûr, ça fait un peu curieux par rapport à d'habitude. Bon, après l'équipe, je la trouve plutôt pas mal et plutôt bien équilibrée, quoi. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a une trop grande différence. C'est vrai que Joey Ryan, il fait un peu celui qui se la pète et à l'arrivée, il subit beaucoup. Mais bon, après tout, c'est un peu inhérent. C'est tout l'inverse pour Matt Morgan qui subit jamais, donc presque jamais. Donc à partir de là, ça me dérange pas cet attelage. Après de le voir champion, cet attelage. Ouf, je suis assez circonspect, mais bon. Pour moi, cette équipe, moi, je n'aime pas du tout parce que c'est deux personnalités totalement différentes que tu mets ensemble et ils n'ont aucune connexion réelle à part l'intervention de Matt Morgan à Bound for Glory pour aider Joey et Ryan à gagner son match. Il n'y a pas vraiment de raison de les mettre ensemble. Surtout que Matt Morgan en solo, maintenant, je pense qu'il peut faire son trou en solo avec son nouveau personnage et Joey et Ryan, il pourrait donner de sa personne pour la X Division. Donc, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée de les mettre ensemble. Pour le thème de Joey Ryan dont tu parlais, en même temps, Joey Ryan et Val Venis, ils ont un petit peu le même côté pervers, quoi. Val Venis, c'est l'ancien acteur porno. Joey Ryan, c'est le mec pervers qui se balance dans les cordes, comme Lemkus. Donc, bon, au niveau du thème, c'est un peu logique, puis au moins, ça fait des frais en moins. Mais sinon, je suis d'accord avec Sébastien, ça va pas, les deux vont pas ensemble. Parce que, autant dans ce match-là, ça fait équivalence au niveau des équipes. Un gros de chaque côté et un poids léger de chaque côté. Mais comme le dit Sébastien, il n'y a pas vraiment d'accointance entre les deux, quoi. Donc on va parler du match. Un match qui s'est fini sur disqualification. Moi, je m'y attendais au passage. Hein. Moi aussi, parce que mon Morgan. Non, au prono, t'as pas dit ça. Oui, non, mais au prono. Au prono, j'avais un petit peu d'espérance et je voulais gagner un point. Donc je me suis dit, ouais, peut-être finalement, mais non. J'ai gagné deux décisifs en plus, tant mieux. D'ailleurs, en parlant de pronos, vous pouvez pronostiquer sur les pay-per-view, que ce soit TNA ou WWE, sur SOS.fr. Donc, un match signé sur disqualification. Comment ça se finit sur la disqualification, vous aussi? Mais après, on en a discuté avec Sébastien un peu plus tard en live. Moi, j'ai cru que Matt Morgan avait un peu foiré son affaire parce que Chavo Guerrero inflige le Frog Splash sur Joey Ryan. Et donc, c'est parti pour le compte. Et l'arbitre se fait pousser in extremis à l'extérieur du ring par Matt Morgan alors qu'il avait tapé le troisième. Bon, moi, je croyais qu'il avait déjà tapé le troisième, mais en fait, c'est parce qu'il a. Je sais plus, l'arbitre En qui se s'était. jetant au sol, en fait, il a tapé sur le ring, Oui, en fait. voilà, mais ça m'a piégé parce que celui-là, je prenais pour le premier tap en fait. Je croyais que c'était 3 déjà. Et donc voilà, bah, du coup, l'arbitre a prononcé la disqualification immédiatement. Ce qui est pas forcément logique, puisque ce genre d'intervention arrive plusieurs fois dans les shows weekly et sans forcément qu'il y ait une disqualification au bout. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. La TNA voulait peut-être pas faire un truc trop élaboré, pardon. Donc du coup, je sais pas, ils ont sorti ça comme ça, très très simple. Moi, je m'en doutais de toute façon qu'il n'y aurait pas de vainqueur à l'issue de ce match. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un événement, il me semble, un match qui se finit pas clean, qui se finit pas du tout même, comme ces disqualifications, ça fait depuis un moment que la TNA faisait pas ça en pay-per-view, il me semble. Bah depuis le début de l'année, non, avec Bobby Roode et Jeff Hardy. Enfin, Bobby Roode et Sting, non. Tu vas un peu loin là au début de l'année quand même, mais ça faisait depuis plusieurs pay-per-view qu'ils habituaient à faire des fins avec un vainqueur, quoi, quelque chose de clean même. Même si ça reste ponctuel comme ça me gêne pas du tout, moi. Oui, En tout cas, voilà, si. mais c'est vrai que comme on discutait, c'est vrai que ce pay-per-view il tombe presque obligatoirement, quoi. C'est une transition et ça suit les logiques des épisodes weekly, quoi. Donc à partir de là. Pour moi, c'est un déroulement final comme un show weekly, quoi. Après le match, je trouve pas mal pour rapidement aller sur le match. De bonnes choses, de bonnes combinaisons, de bonnes trouvailles. Bon, rien de transcendant, mais bon, le match tenait la route. Après, c'est vrai que la division par équipe, je suis vachement très très inquiet parce qu'il n'y a rien. Mais bon, sur le match en lui-même, ça tient la route, même si c'est pas exceptionnel. Bah moi je trouve le problème avec ce match, je trouve que c'est un match qui aurait pu être dans un show weekly, quoi, dans un Impact. C'est un peu plus long peut-être par rapport à ce qu'on aurait pu avoir en semaine, mais je trouve qu'au niveau de la qualité, il n'y a rien de transcendant, comme tu le dis, il n'y a rien de. Voilà, c'est un match banal. C'est peut-être aussi le fait que Morgan et Ryan ne vont pas ensemble, ce qui fait que l'équipe marche moyennement. C'est pas un match notable. Je pense qu'on a tout dit sur ce match. Je sais pas si Sébastien a vraiment parlé du match. Ah, moi, je voulais juste te dire que c'est un peu comme vous, hein, parce que j'ai pas d'intérêt réel dans l'équipe Chavo et Hernandez. Et Joey Ryan et Matt Morgan, j'aime beaucoup les deux catcheurs, mais individuellement, en équipe, j'aime pas du tout. Et donc, j'ai pas vraiment eu d'intérêt dans ce combat. Et c'est passé 10 minutes, sont passés assez longs pour moi. Et next, quoi, j'ai pas aimé. Ouais. Ah, et à noter que l'après-match, bon, évidemment, on vend un rematch, mais dans l'après-match, apparemment, il y a une blessure vendue, là, de Chavo, donc c'est possible que, évidemment, ça soit un peu mis sous l'éteignoir, là, cette ceinture, dans les médias. Ou bien s'en servir pour le prochain match. Aussi, ouais, faut voir. Mais je crois qu'on pourra tous être d'accord, même si on n'est que trois, que Chavo et Hernandez, c'est une équipe faute de mieux en ce moment. Ben ouais, non, mais c'est vrai qu'ils, je sais pas, ils se sont tirés une balle tout seuls là, et les équipes. On a cru que ça relançait un moment. Ils avaient une excellente équipe, bon, mais ils l'ont arrêté, et je sais pas. Donc, next. Oui. Ouais. Pour un coup, j'ai pas piqué la catchphrase à Agus. Donc, Austin Aries contre Bully Ray. Une rivalité assez particulière, on va en parler tout de suite. Donc un match de 13 minutes 6, victoire de Austin Aries, mais une victoire pas clean, encore une fois, pour la deuxième fois de la soirée. C'est un match que Dave Meltzer a noté 3 étoiles, un quart. Troisième match de la soirée qui est noté à plus de 3 étoiles. Par Dave. Bah oui. Non mais ça, mais non mais bon, lui mais comme d'autres, écoutez, bon, on fera le bilan à la fin, mais la qualité in-ring, elle était plutôt correcte, hein, c'était pas énorme énorme, mais c'est soigné. Et puis ce match-là, bon, il avait donné, je sais plus si Sébastien se souvient ou toi Vincent, leur affrontement précédent en pay-per-view, c'était cette année, beaucoup plus tôt dans Sacrifice. l'année. Ah, Sacrifice, ouais, d'accord, merci. Mais ça avait été un très bon combat déjà à l'époque. Et puis là encore, ils ont retrouvé autre chose. C'est vrai que l'alchimie entre les deux est excellente. Et Bully Ray, bon, mais comme il disait dans une interview récemment, moi je pense qu'il va. Il mérite quand même d'avoir une chance pour le titre mondial. Et ça, c'est sûr. Après, il est embarqué dans une histoire vraiment pourrie, là, avec Brooke Hogan et Hulk Hogan, là. Je trouve dommage parce qu'il fait quand même des trucs très intéressants sur le ring. Comme là, par exemple, son dropkick, là, depuis. Depuis les cordes, spectaculaire. Et puis Harris, vu la façon dont il avance, en plus, ça rend vraiment le move très spectaculaire. On a plusieurs vraiment très bons mouvements dans le match. Bah, en gros, jusqu'à l'arrivée de Brooke Hogan à la fin, le match est excellent. Et puis c'était prévisible après ce qui allait se passer, quoi. Donc, moi, je voyais pas Harris perdre, donc à partir de là, il fait le coup de pute. Parce que maintenant, quand on est vraiment à heel à fond, on fait que les coups de pute à la TNA. Donc à partir de là, obligatoirement, c'était ça pour gagner pour Harris. Après voilà, Brooke Hogan aussi, je sais pas où est s'habille parce que vraiment c'est une catastrophe. Bon voilà. C'est bien, tu fais une belle transition, tu parles de coup de pute puis de Brooke Hogan, c'est très bien aussi. En tout cas, moi je voudrais dire Ça marche. que ouais, je voudrais dire que au niveau du match de sacrifice, il y a Austin Harris qui l'a quand même rappelé dans la rivalité, qu'il a dit qu'il avait déjà battu Bully Ray avec son Brainbuster, puis enfin qu'il avait battu par soumission en portant juste avant le Brainbuster. Donc il y a quand même un petit fil rouge, mais c'est pas vraiment ça qui intéresse particulièrement dans la rivalité, tout le truc Brooke Hogan, Hulk Hogan, Bully Ray, et Austin Harris qui vient un petit peu faire capoter l'histoire, quoi, mettre un petit peu plus Ah oui, parce d'huile que lui, sur le c'est feu. vrai que lui, il y a une interview là avant le match, parce que bon, entre les matchs et des interviews, là, et Jérémy Borash en coulisses. Et justement, Borash se demandait qu'est-ce qu'il foutait là, Harris dans le coin. Voilà. Et Harris était juste là pour dire, bon, c'est juste pour emmerder le monde, quoi. Mais sinon, je rejoins Brosti sur la qualité du match, c'est très bon entre les deux. Mais par contre, la fin gâche un peu le truc, quoi. Il y a Bully Ray qui saigne parce qu'il a son crâne a heurté les escaliers, je crois. Et C'est ça. il y a Austin Harris qui en profite pour faire saigner encore plus avec des droites. Et là, il y a Brooke Hogan qui arrive. Austin Harris l'emporte dans le ring. Alors là, elle est à moitié à poil parce que sa robe s'enlève, puis on. Elle en soutif dans le ring, mais ça la gêne pas, elle remonte pas sa robe. Enfin bref. Et il y a Hulk Hogan qui arrive pour sauver un petit peu sa fille des mains du méchant Snawiz. Ouais, bon, en fait, faut quand même préciser, c'est que c'est Bully Ray qui demande à Hulk Hogan de ramener Brooke. Puis il les regarde s'éloigner, puis Harris lui fait le boulot des familles, et puis voilà. Sébastien, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Oh, Ouais, le match en lui-même aussi. je n'ajouterai pas grand-chose à ce que vous avez dit. Après, moi aussi, Harris et Bully Ray, je les adore, c'est deux de mes catcheurs préférés actuellement. Donc, j'avais forcément un intérêt particulier dans ce match que j'ai vraiment apprécié. Et après, comme vous, hein, c'est la fin qui gâche un petit peu. Néanmoins, je suis quand même. Je pense que c'était la bonne solution de faire une fin un petit peu controversée parce que ça permet de maintenir la rivalité en vie. Et on aura un Bully Ray contre Austin Harris, la revanche, ce sera certainement à Genesis, le prochain pay-per-view. Ah oui, non, probable. Et puis pourquoi pas, allez, peut-on rêver une place de number one contender, tant qu'on y est, et puis voilà. Ouais, c'est vrai, ce serait pas fou, ce serait un bon moyen de permettre à Austin Harris d'avoir un nouveau match contre Jeff Hardy en le remportant. Ah oui, ça c'est pas impossible d'ailleurs dans l'avenir. Moi je pense qu'Harris peut récupérer la ceinture à Lockdown, et puis après plus tard, Storm à mon avis. Et Bully Ray, j'aimerais bien dans le coin, mais j'ai un peu peur. Je sens que la TNA veut pas lui faire confiance pour une ceinture à son âge. Elle veut pas. Personnellement, j'ai des doutes sur un nouveau règne de Austin Harris, mais bon. Next. Next. Ma catchphrase, allez hop, c'est pris. Tara contre Mickie James, c'était pour la ceinture Knockout, donc pour les femmes. Un match de 7 minutes 52, la championne c'est Tara qui est accompagnée de Jessie Goddard, star de Big Brother, télé-réalité américaine. Alors, déjà, la tenue de Mickie James, elle est comment? Terrible. La fermière, la petite maison dans la prairie, je sais pas comment commenter d'autres. Bah, elle avait un Ça n'a pas fait bander vert, pas en tout cas. Pourtant, Verpa, généralement, il bande sur Mickie James. Enfin, elle avait un short bretelle en jean et en dessous un truc. Oh, salopette quoi, Oui, une salopette. oui. Bah, écoute, je suis pas expert des vêtements. Hein. Et elle avait un haut rose saumon, je sais pas trop quoi là, c'était horrible. Enfin, bref, on va parler plutôt du Après match. ces considérations de mode, oui. La Sauce Radio, premier sur le podcast de la mode. Donc on va parler du match, comment vous l'avez trouvé? Parce que quand même, deux catcheuses expérimentées dans la ligne. Sébastien. Moi, je m'attendais toujours à mieux quand tu vois Tara et Mickie James dans le même ring. Forcément, tu t'attends à ce qu'il t'a du bon catch féminin. Alors, j'étais un petit peu déçu en partant de ce postulat-là. Parce que, en plus, il y a aussi le personnage de Jessie qui rajoute un peu de la comédie dans ce match. Et je pense que c'était pas forcément le bon moment de voir Jessie dans un Tara Mickie James. Ça peut donner du bon, on l'a vu par le passé, mais ce soir, c'était très moyen pour moi. Ouais, mais le problème, c'est que Tara, avec sa nouvelle gimmick, elle est tout le temps accompagnée de Jesse, parce que c'est son boyfriend, son boubou. Alors forcément, il doit la soutenir à chaque fois qu'elle est un petit peu démenée par son adversaire. Donc forcément, moi je m'attendais à la présence de Jesse, puis à sa possible intervention. Donc forcément, je m'attendais pas à un match exceptionnel, mais je trouve que c'est quand même un match assez bon pour un match féminin. Enfin, même si c'est pas non plus le meilleur match de l'année. Ça reste très correct, surtout pour un match de pay-per-view où on a vu pire avec des Madison Rayne, Brock Tessmacher ou autre. Aussi. J'ai un peu le même avis que Sébastien au départ. Bon, enfin, moi, j'en attendais pas énormément non plus, mais c'est vrai que ce match souffre peut-être de la comparaison lointaine avec un match en mars dernier, je crois, entre les deux qui a fait un main event en steel cage, forcément de grande qualité. Mais à l'époque, c'est vrai que la typographie, c'était vraiment du face contre face. Et depuis, forcément, bon, mais ça marche aussi chez les femmes. Mais dès qu'elles sont heel, elles jouent au con, quoi. Gail Kim, elle gagne jamais clairement. Et Tara, c'est pareil. Hein. Bon, la différence, c'est que Tara, quand même, elle arrive à placer son finish pour finir, donc c'est déjà ça. Après le match, bah, je rejoins Vincent ce coup-ci, tenait la route parce que ce sont deux terrains expérimentés. Après, c'est avec le rythme très très saccadé, forcément, à chaque fois que Jesse Goders bah, il prenait Tara dans ses bras, quoi. C'était pas non plus un match féminin de haute volée, mais c'est vrai qu'on a vu, pire. Ouais, WWE, nombre de fois aussi conséquent, là, depuis pas mal de temps. Donc. Après tout, ça tient les standards, quoi. Surtout qu'il y a 74 ans, je crois, réunis sur le ring, donc c'est plutôt pas mal. Je crois que tu te trompes un petit peu quand même sur la date du dernier match en cage entre Mickie James Ah oui, c'était peut-être pas très, et ouais, Tara, très parce très que précis, ça, je sais oui, pas non, trop. parce que le lockdown de cette année, c'était Gail Kim contre Velvet Sky, donc Je n'ai pas dit lockdown, j'ai dit en mars, en steel cage, en main event de l'Impact. Donc je sais pas trop si c'était en mars ou pas, mais c'était par là, quoi. Mais si, ouais, c'était lors d'un weekly, quoi. c'était aux alentours de lockdown, ouais, c'est vrai. Ah, bah je m'en souvenais pas. Comme quoi. Un weekly. Ah, ben pourtant un gros match de près d'un quart d'heure, vraiment. Peut-être même le match féminin de l'année, au passage. Ma mère le coupe alors, si je me trompe. Je pense qu'on peut passer à la suite. Et au passage, on notera juste que c'est la première apparition depuis janvier 2012 de Mickie James en pay-per-view. Ça faisait longtemps quand même. Oui, parce qu'il faut noter quand même qu'elle était. Pas malade, mais enfin, elle a eu des petits problèmes de santé. Et on a dû lui retirer une tumeur, donc qui était bénigne. Heureusement pour elle, heureusement pour les fans de catch. Mais voilà, et elle a été absente pendant quelques temps. Enfin, au départ, je sais pas si c'est parce qu'elle a été blessée, mais peut-être parce qu'aussi il n'y avait rien pour elle. Mais bon, ça faisait quelques mois qu'elle n'était pas apparue à Impact. Et elle a fait son retour il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, je crois. Et voilà, elle a Ils gagné un attendent de match. gagner à Battle Royale et puis voilà. Ouais, Ouais. voilà. Et voilà, elle est revenue. Alors je ne sais pas si cette rivalité va continuer, puisqu'il y a Velvet Sky Et oui, ça on en parlera d'ailleurs un peu plus tard dans les brèves, mais qui ouais, est à à mon l'affût, avis. qui Au regardait mieux. d'ailleurs en backstage ce match, si je me souviens bien. Non, enfin moi je l'ai pas vu. Non, non, non, non, non, c'était une vidéo enregistrée avant, c'est pas pareil, non, non. Oui, enfin, elle Une disait vidéo que. enregistrée après Impact. Ouais, peut-être que. Non, mais ils l'ont jamais montré. Ils ont jamais vraiment fait référence à ça. Ouais, au mieux pour les fans de Mickie James, comme Verpa, ben c'est un triple threat, mais il semble que ce soit autre chose, quoi. Que Mickie James se retourne un petit peu en arrière, quoi. Et puis, passe à autre chose, hein. Donc, La fin programmée du règne de Tara, mais bon, ça, on verra plus tard. oui, je pense aussi, mais on verra plus tard. Donc, next. Mais ouais. Le match le plus attendu par Bruce Lee de la soirée. Un match entre les Aces and Eights, donc deux catcheurs, donc on connaît l'identité, Devon et Doc. Donc, Doc, anciennement Luke Gallows à la WWE. Et Festus à Jesse, au passage, petit clin d'œil à Gus. Oui. Donc, les deux autres. Alors, les deux autres, selon les news. C'était Mike Knox et CJ O'Doyle, je crois. Un catcheur avec une gimmick d'Irlandais. Mais bon, ça, forcément, il n'avait pas cette gimmick-là pendant le match. Et c'est les... Pardon. forcément. Et les adversaires, c'était Garrett Bischoff, Wes Witsko, Samoa Joe et Kurt Angle. C'est Samoa Joe qui était anciennement champion de télé, maintenant c'est Devon. bien, ton ordre est remarquable. Oui, j'ai fait exprès. Et Wes Briscoe qui est tout nouveau à la TNA, puisqu'il a remporté il y a pas longtemps un Gut Check match pour Challenge. ouais, Gut Check Challenge pour rejoindre la TNA et un petit peu poussé par Kurt Angle aussi. Oui, bah, il était déjà pas mal en coulisses déjà avant, c'était logique quoi. Oui. Il a battu Garrett Bischoff d'ailleurs. Ouais, dans un match décrit comme mauvais par les juges eux-mêmes. Mais ils l'ont quand même engagé parce que bon, c'est Wes Briscoe quoi. Oui, voilà, le nom, et puis Kurt Angle qui le pousse, voilà. À part ça, Et surtout, il y avait D'Lo Brown, surtout dans le jury. Oui, Ça et aura oui. peut-être une incidence dans le futur. Oui, qui est possiblement membre des Aces and Eights, et ouais. Bon, on en parlera peut-être un petit peu après la review. Donc, un match qui a duré 11 minutes 20. Victoire des Faces, donc de l'équipe TNA de Kurt Angle, Joe, Briscoe et Bischoff, qui battent les Aces Nets. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Boosty, toi qui adores ce match et surtout deux catcheurs en particulier. Oui, Samoa Joe et Kurt Angle. Bien sûr. Mais oui, sûr. C'était un match qui a tenu la route complètement grâce à Samoa Joe et Kurt Angle, de toute façon. Hein. Surtout Samoa Joe qui a beaucoup conduit le match et je dirais encore heureux. Kurt Angle, bah, il était encore un peu blessé, donc haleine. Donc à partir de là, c'est sûr que ses apparitions étaient assez limitées, même si c'est à l'arrivée, c'est quand même lui qui gagne avec l'Angle Slam au passage. Et la dernière fois qu'il a gagné cette prise, oula, ça doit dater. Pas tellement, je crois qu'il en a gagné un match à Impact il n'y a pas très longtemps avec un Nagel Slam. Bon, il n'y a pas très longtemps, c'était 2 mois, hein, mais ça remonte pas tant que ça. Mais non, voilà, après, ce qui me dérange avec le groupe des Aces and Eights, c'est que là, les mecs, ils foutent rien, quoi, sur le ring. Il n'y a aucune prise. Hein, bon, je sais bien que Knox peut pas faire de ses prises traditionnelles, enfin, sinon on verrait tout de suite qui c'était. Mais bon, Devon le Trouillard, Doc qui en fout pas une non plus, quoi. Moi, ça me dérange, quoi. Les mecs, après, ils trouvent le moyen de se faire dominer par Garrett Bischoff et Wes Briscoe. Bah, c'est aussi dans leur gimmick, ils ont une gimmick de mercenaires, donc c'est plutôt un style brawl déjà par rapport à leur gabarit. Donc Ah dans bah ils un font que ça, oui. Ah ils font que oui. ça, c'est sûr. Donc forcément, à part le chokeslam de Doc et les prises traditionnelles de Devon, même s'il les monte pas tellement, forcément ça reste du brawl. Ben oui, voilà, ouais. Bon après, il y a le jeu au moins intéressant tout le long du match, parce que tout le monde sait que Garrett Bischoff et Wes Briscoe font quand même partie des Aces and Eights. Il y avait déjà plusieurs images Oui. où le tatouage de merde là de Bischoff était Oui, grillé, quoi. tout le monde, faut quand même être renseigné sur les infos. Oui, voilà, non, mais tout le monde qui suit la tienne, et j'ai précisé alors. Bah, assez précisément, quand même, aussi, la suite. Mais, parce qu'on s'en fout, en fait. Mais il y a eu un petit peu ce jeu-là, en fait. Il y a eu des moments, hein. Par exemple, quand Doc sort le marteau et que Bischoff lui prend des mains, alors on peut se dire, bon, ben, ça y est, il va frapper. C'était Kurt Angle, je crois. Donc, bah non, en fait, non, pas du tout. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup joué sur ce jeu. Quelques petites hésitations parfois. Est-ce que Briscoe va trahir l'équipe? Est-ce que Bischoff va le faire? Et puis finalement, non. Bon, je trouvais que là, c'était un jeu plutôt intelligent, même si malheureusement, il va falloir encore se les farcir à Genesis, je pense. Et puis après, bon, bah, ces gens-là vont aller rejoindre les autres mecs. Et puis on va avoir tout ça en bordel à Lockdown. Et puis ça va être réglé, Ouais, quoi. on va en parler tout à l'heure, mais je pense que ça va quand même aller au moins jusqu'à Lockdown. Parce que déjà, on ne sait pas qui est le chef, le président, je crois qu'il l'appelle, des Aces Knights. Il y a quelques membres qui sont encore masqués, même si je pense que tout le monde ne va pas être démasqué. Par exemple, l'Irlandais, là, CJ O'Doyle, je pense qu'il va pas être Oui, démasqué, parce que puisque. personne ne le reconnaîtrait, même Oui, voilà. démasqué. Alors. Alors que Mike Knox, il est quand même connu avant cette gimmick-là. Mais je pense que voilà, il n'y a pas d'intérêt à démasquer tout le monde. Tant que c'est les principaux membres qui sont démasqués, puis surtout le président, celui qui chapeaute un petit peu tout le truc. Ouais, ce match est pas exceptionnel, mais surtout que c'est un match où il y a Garrett Bischoff. Mais franchement, j'ai été étonné de la qualité. Parce que je m'attendais à bien pire, je m'attendais déjà à un match bien plus court, surtout que derrière il y avait deux gros matchs, et que la carte était assez fournie aussi. Mais je m'attendais quand même à un match plus court et un peu plus. Mauvais parce que je pensais que tout le monde allait avoir un temps de match équivalent, peut-être Bischoff un petit peu plus que les autres puisque c'est le moins expérimenté des quatre avec Briscoe peut-être. T'es fou toi, hein. Ah non mais c'est vrai, je pensais que les Les Seasonettes allaient défoncer Briscoe et Bischoff pour les garder dans leur coin en attendant le retour en flamme de Kurt Angle ou Samoa Joe, tout simplement. Finalement, non, et la fin est pas. Et je pense aussi à une victoire des Seasonettes pour leur donner un petit peu de crédit parce que lors du dernier pay-per-view, qui était Turning Point, ils n'avaient pas été très chanceux parce que leurs deux matchs, ils les avaient perdus. Je pensais qu'ils. Et y a Doc qui a battu l'avocat. Donc ils n'ont pas Ah oui, perdu les deux Joseph matchs. Park, quand même, Ah si, ou. oui. Ok, battu Joseph Park, oui. Oui, Bon, c'est fait. une victoire tirée par les cheveux, on est d'accord, mais c'est une victoire quand même. Mais enfin voilà, ils n'avaient pas été très chanceux lors du pay-per-view alors que bon, ils étaient un petit peu sur le poster du pay-per-view. Finalement, je pensais qu'ils allaient gagner, et puis finalement non. Donc bonne nouvelle peut-être pour nous, mais en tout cas la rivalité continue. Sébastien. Ben. Ah non, pour moi, c'est une terrible décision de faire encore une fois perdre les Season 8. Hein. Surtout contre une équipe composée de Garrett Bischoff et Wes Plisco. Super la crédibilité. Hein. Perdre contre ces gars-là, bravo. Non, franchement, pour moi, on ne peut pas donner de crédit à ce groupe si on continue de les faire perdre aussi souvent. Ok, Devon a récupéré le titre TV, mais c'est pas comme si c'était une ceinture majeure non plus. Et non, il faut les faire gagner un petit peu, sinon les gens vont commencer à se lasser de ce groupe et c'est vraiment pas le meilleur moyen de les diriger, je trouve. Ben, la question là que tu te poses, là, justement, moi je suis déjà lassé de ce groupe, hein, je vois pas vraiment l'intérêt. Des interventions gratuites mais sans réel impact. Oui, Ricky Young, youpi, Magnus, youpi, quand tu vois leur place. Il y avait Sting, mais bon, Sting, c'est toujours pareil. Sting, tu le vois en match, et puis après, tu sais qu'il faut toujours trouver un moyen pour le faire se reposer encore 6 mois, quoi. Donc, l'arrivée, l'impact des As de 8 est vraiment d'une faiblesse extrême, quoi. C'est pour un groupe qu'on voit tellement. Qu'on a vu en rivalité, enfin, qui soi-disant martyrisait Hulk Hogan, et puis que d'un coup, bon, c'est fini, quoi, on est passé à autre chose. Je sais pas trop où ce groupe va en venir, en fait. Je pense aussi qu'on est lassé parce qu'on les voit toutes les semaines à Impact et toutes les semaines ils défoncent un peu tout le monde quoi. Ben, non, pas vraiment non plus. Hein. Non, c'est pas Ben, possible. si, bon, mais ils attaquent un peu n'importe comment, surtout, c'est pas attaqué comme on avait vu la Nexus, par exemple, c'est n'importe comment, quoi, il n'y a pas Oui, non, vraiment. mais là c'est parce qu'ils s'attaquent à tout le roster dans leur ensemble, Le donc. fil conducteur, quoi. Non, mais puis c'est pas non plus une menace extrême, quoi. C'est ça qui est paradoxal d'un Oui, côté. c'est surtout qu'ils perdent Ils un ont peut-être match. attaqué beaucoup de monde, mais c'est pas vraiment une menace extrême de l'autre côté, quoi. Non mais Fou ça, mais. je dis est-ce que c'est pas lassant aussi parce que c'est redondant lors des segments. Ouais, Oui, c'est ça un peu joue, ça joue. pareil. Bah Mais il y a peut-être oui, quelque chose. il boit, il lance une flèche, et puis voilà, il y a un mec qui va en détruire. Bon, Ça va peut-être évoluer parce que ils vont peut-être enchaîner sur une rivalité avec Jeff Hardy parce que ils sont intervenus dans la fin du combat de ce main event dont on parlera plus tard. Et ils seront également impliqués dans le Impact qui a lieu ce jeudi 13 décembre, la date de notre enregistrement. Ce sera Ace of the Night qui sera en action contre James Storm et Jeff Hardy. Donc peut-être qu'ils vont s'attaquer maintenant aux champions du monde poids lourd. Oui, d'ailleurs, on en reparlera à la fin. Oui, c'est vrai que les trucs bizarres. Bon, après, ouais, comme le dit Renaud, le booking est pas bon. Il étire la longueur. Le truc sur la longueur, l'impact a disparu. Ouais, parce qu'au début, on pouvait se dire bonne perspective, mais depuis, c'est retombé le soufflet. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Next. Oui, comme tu voulais pas trop t'attarder dessus, alors on passe à la suite, oui. Bah, puis surtout qu'il y a deux gros matchs qui arrivent. Donc l'avant-dernier match du show, du pay-per-view, c'est un match simple, un match 1 contre 1 entre Christopher Daniels et AJ Styles. Un match de 21 minutes 36 secondes. C'est le deuxième match de la soirée qui dure plus de 20 minutes. Et ça a été noté par Dave Metzler, 3 étoiles, 3 quarts. Sébastien. Alors, quand on connaît l'histoire de ces deux catcheurs, forcément, on peut être déçu du résultat du match qu'on a eu la chance de voir parce que tout simplement, il y a eu meilleur dans le passé. Et ce match, il n'y a rien d'innovant par rapport à ce qu'on a déjà vu. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai pas forcément apprécié le combat, peut-être à sa juste valeur. Mais en tout cas, le match quand même est plutôt solide et il dure plus de 20 minutes, je crois, comme tu l'as dit. Et apparemment, c'est parti pour continuer, malheureusement. Donc, le slogan Un dernier combat ne va pas tenir, selon moi. Ah, moi, tout l'inverse. Hein. Ben justement, on en parlait tout à l'heure. À mon avis, AJ Styles va se diriger vers James Storm. Et puis après, je sais pas. Je sais pas, c'est vrai que c'est assez bizarre avec lui. C'est pas trop où la TNE veut en venir. Alors après, moi aussi, je suis très surpris de la défaite. Parce que bon, AJ Styles a quand même beaucoup gagné face à Christopher Daniels. Et puis, Daniels, quand même, il est. Je sais pas, il est un coup. Mais il gagne surtout en équipe, en fait. Et en solo, il perd tout le temps, quoi, depuis pas mal de temps. Donc après tout, une défaite de plus ou de moins, ça aurait pas changé grand-chose. C'est plus AJ Styles que ça change à mon avis. Et puis c'est vrai que là il est battu en plus avec son propre move là, le Styles Clash, donc ça ajoute un côté cynique et sadique à l'affaire. Après le match, je te rejoins aussi, il souffre un peu de la comparaison avec leur précédent match. Ils en ont tellement fait avant. Là je vois par exemple, il y a eu des précédents matchs cette année, mais vous avez sur Wessels, il y a Sébastien a créé les awards annuels de la TNA. Et dans les moves de l'année, quand même, vous avez Justice qui porte un Styles Clash du haut de la rampe sur Daniels qui passe à travers une table à destination X. Un Springboard Shooting Star Press de Justice sur Daniels à l'extérieur du ring à Sami Mersari. Et là, on n'a aucun move marquant. Donc à partir de là, forcément, le match est moins bon que les précédents, Bah, à mon avis. il y a surtout un contre-marquant quand Styles veut placer son Styles Clash au niveau des cordes là, et qu'il y a Daniels qui se retient, mais c'est sûr qu'il n'y a aucun move important. Mais en même temps, ils ont fait tellement de matchs, que ce soit en équipe ou en solo, forcément on compare et même si la qualité est bonne, puisque Demon l'a noté 3 quarts, c'est un très bon match 3 quarts, mais forcément on peut pas. Oui, non, moi je critique, mais je noterai pareil, à vrai dire. Mais c'est vrai qu'avec eux, c'est toujours du 4 étoiles et tout. Mais ils ont poussé un niveau d'exigence tellement élevé avec tous leurs affrontements, à chaque fois, forcément. Quand on voit un truc un peu moins marquant, surtout pour un match annoncé comme le dernier, petite déception. Petite, j'ai dit. Est-ce que vous croyez réellement que ce sera le dernier match entre ces deux-là? Je me dis que Daniel, c'est plutôt proche de la retraite. Oui, Daniel, s'il a plus de 40 ans, certes. Bon, après, vu ce qu'ils peuvent fournir, franchement. Oui. Lui c'est l'exemple rare, hein, parce que tu vois quand même, vous voyez, il a quand même un style quand même très très varié, très aérien, et pourtant lui fait les choses. Hein, mais bon, après, c'est une hygiène de vie personnelle aussi qu'il a. Hein. Ouais, je sais pas, c'est vrai que j'y crois à moitié. Bon, dans le contexte, je crois qu'à TNA c'est peut-être leur dernier, mais je me demande, oui, forcément, le truc qui mettrait à la retraite Daniel, ça serait un match contre AJ Styles. Ça. On va pas faire mentir sur ça, quoi. Pas faire d'illusion, à mon avis, ça sera ça. Ouais. Est-ce qu'on passe à la suite? Bah, je sais pas, si vous trouvez qu'on a tout dit, c'est bon. Bon, au moins de mon côté, c'est bon, je crois tout détailler, ouais. Pour moi, c'est bon également. Je pense qu'on va passer au dernier match de la soirée entre Jeff Hardy et Bobby Roode, un match de 23 minutes pour le titre de champion du monde poids lourd de la TNA. Jeff Hardy est champion, Bobby Roode est challenger. Un match noté 3 étoiles et demie par Dave Meltzer. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Boosty. Bah, Jeff Hardy en sort champion, déjà. Oui, bah oui. Bon, oui, je sais, c'était logique, mais quand même, faut le dire. Bon, il sort champion, c'est comment d'ailleurs qu'il sort champion? Merde, je me rappelle plus. Twist of Fate. Oui. Le match en lui-même, ouais, il tient la route. Après, il y aurait pu avoir mieux entre les deux, parce que c'est vrai que il y a une bonne moitié du combat quand même qui est plutôt lente, donc forcément, ça influe. Après, il y a une accélération, la construction est plutôt pas mal. Bon, après, c'est sûr qu'on sort de quand même de deux main events consécutifs, Jeff Hardy contre Austin Reese, qui ont été particulièrement consistants. Donc, forcément, là, on trouve peut-être un peu dommage. Là, je peux en faire mon avis plutôt. Je trouve un peu dommage que Bobby Roode ne lui ait pas poussé à prendre légèrement plus de risques alors qu'il peut le faire. Bon, après, Jeff Hardy lui a fait son match, j'ai trouvé, même s'il a un peu trop subi à mon goût, mais après, sur la fin, il est quand même sorti bien. Et puis, il a sorti ce fameux move. Là, je pense qu'on va. Enfin, ce fameux. Le traditionnel bump, là, où il en prend plein la gueule à un moment donné, là. Je pense qu'on va un petit peu en parler. Quand il s'élance, là, vers. En prenant appui sur l'escalier vers Roode, là, pour l'acculer, là, contre la barricade, et que Roode s'efface, et que Hardy, là, se chope la barricade. Ça, c'est spectaculaire. Elle a dû bien se niquer la Oui, voilà. hanche ou le, À mon et le avis, oui. coccyx. Ouais. Mais après, le match, il est logique. Après, je suis juste surpris comment la fin arrive, parce que c'est vrai que tu le disais un petit peu avant Vincent, c'est vrai que ça ferme vraiment la porte à Bobby Roode, là, comme ça, Jeff Hardy qui gagne aussi clean, ça ferme vraiment la porte à. Clean, je crois que tu te souviens pas trop de la fin. Alors déjà, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Hardy ait subi. Je trouvais que le match était assez équilibré au niveau de la domination, ce qui m'a étonné d'ailleurs parce que Jeff Hardy est plutôt connu pour subir dans ses matchs. Je suis pas d'accord aussi sur le fait que le match est. Enfin, t'as dit que le match était bon, mais que sans plus. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il est bon, mais c'est surtout la fin qui gâche un peu le truc en fait. Et au niveau de la fin, tu dis qu'il a gagné clean. Oui et non. T'as les SSNets qui arrivent dans la foule. T'as Bobby Roode qui fait bah alors vous intervenez pas. Et là t'as Jeff Hardy qui porte son Twist of Fate. Donc clean, oui et non. Hein. Bah, moi je trouve bah, à partir du moment écoute, où il fait sa prise, ça serait. Ça me dérange pas quoi. Bah C'est pour ça y a quand que même Bobby Roode a besoin. grillé sa chance à mon avis. Non mais y a quand même besoin de la distraction, oui, peut-être. Enfin je pense aussi qu'il y aura un petit truc avec les SSNets, mais je pense que à partir du moment où il y a distraction extérieure, je pense que bah, pour moi c'est pas clean. Sébastien. Bah justement, cette cohésion entre Bobby Roode et le groupe Aces and Ace, je pense que c'était un moyen désespéré de nous faire croire que Bobby Roode avait véritablement une chance dans ce match. Parce que si on enlève ça, 100%, à 100%, tu peux te dire que Jeff Hardy ne va pas perdre ce combat et perdre le titre du champion du monde. Ça c'était d'une certitude limpide. Après, le combat. Moi, je trouvais que c'était un bon match. Encore une fois, Jeff Hardy qui fait une bonne prestation. Après, il n'y a rien de très mémorable. Mais je vais m'en satisfaire parce que je n'attendais pas forcément énormément de ce match. Par rapport aux chances de Bobby Roode, moi je pense plutôt qu'il n'y avait pas vraiment de rivalité. Donc c'est surtout pour amener un petit peu de truc au match, quoi. Parce que sinon, à part que Bobby Roode va récupérer sa ceinture, il n'y avait pas vraiment de rivalité entre Jeff Hardy et Bobby Roode, quoi. Bah non, Bah oui. ouais. C'est vrai que c'était curieux cette affaire, ouais. Bon. Je savais pas trop où ça menait, à vrai dire. C'est juste pour éviter un affrontement face contre face, et voilà. Oui, il y a eu le match à 3 à Turning Point, mais sinon il n'y avait pas vraiment de raison de mettre Biru en challenger. Maintenant on peut me parler d'après-match, qui est un après-match bagarre entre les Seasonettes qui tabassent Jeff Hardy et Bobby Roode. Bobby Roode fait un peu screwed sur cette fin de match, puisqu'il pensait que les Seasonettes étaient de son côté. Finalement non, puisqu'ils n'ont pas aidé à le gagner match et. Ils l'ont tabassé en plus. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet après-match? Vous aussi. Moi je le trouve vraiment pas bon hein, parce que vraiment là les Assassin's qui perdaient un match clean plutôt dans le show et qui là ben, ils règlent le compte d'Hardy, ils font ce qu'ils veulent après ils règlent le compte de Roode aussi à la fin la TNA laisse l'image des Assassin's solide sur le ring alors que c'est pas le cas en réalité, c'est ça qui me dérange vraiment ce rôle des Assassin's de se forcer à les laisser là comme ça regarder, ils finissent le pay-per-view fort et tout, alors que ce n'est pas la réalité. C'est ça qui me dérange beaucoup, à vrai dire. Voilà, après, moi, j'ai pas aimé qu'ils règlent le compte à Roode, par exemple. Pas trop de cohérence. C'est peut-être pour Surtout qu'à l'arrivée, c'est paradoxal, parce qu'ils règlent le compte de Roode, et à l'arrivée, la TNA programme un match contre Jeff Hardy et James Storm. Il y a un manque de non, mais logique. c'est peut-être pour montrer leur indépendance qu'ils ont Oui eu. aussi, ah ben leur côté mercenaire, ça à fond, il n'y a pas de Oui, problème. peut-être que par exemple ils vont trouver l'excuse que Wood avait payé les SSNS pour jeudi, mais il n'y avait pas assez d'argent pour jeudi et dimanche, peut-être, par exemple. Non, mais ça peut être une connerie du genre, ou bien pour montrer que. Bon, Doit avoir un compte. ils veulent bien donner un coup de main de temps en temps contre une belle enveloppe, mais sinon, ils tabassent les gens qui veulent et quand ils veulent. Ouais, mais je trouve pas la cohérence, quoi. Voilà, c'est pas un groupe très très fort là qui perd ses matchs en pay-per-view et qui va intervenir comme ça en main event. Bon, et qui finit les bras levés là, on voit pas trop le fil conducteur, moi je trouve. Je suis d'accord avec toi sur la cohérence entre les défaites en match et les victoires entre guillemets dans la segment. Sébastien, je pense que t'as dit sur le chat que tu savais pas trop quoi penser de cette fin. Ouais, voilà, c'est ça, je suis un petit peu dans l'expectative. Je suis curieux de voir ce qui va se passer pour la suite, mais il faut absolument relancer l'intérêt pour ce groupe des Season Ace, parce que pour moi, ouais, ça commence vraiment à descendre l'intérêt pour ce groupe, et je pense que si ça continue comme ça, je vais tout simplement en plus en avoir rien à foutre des Season Ace, donc il faut vraiment faire quelque chose. Non, mais c'est vrai que ça vraiment pas vraiment vers quoi ça va mener, et voilà, c'est comme ça qu'on finit l'année. Bon, curieux. Est-ce qu'on passe aux notes? Mais ouais. Donc un pay-per-view, on l'a dit, bon, mais en plus, pay-per-view de transition. Donc on est que 3, ça va aller assez vite pour faire la moyenne. Qu'est-ce que t'en... Enfin, quelle note tu mets, Sébastien? Alors moi je vais mettre un 6 parce que l'action est... Il y a de l'action quand même, on peut pas le nier. Mais après ça c'est pas forcément un événement majeur, un pay-per-view majeur, donc pas plus que 6. Aussi. Oh bah, même note que Sébastien 6, ouais, le même avis, c'est un peu perdu de transition, à mon avis, c'est juste pour finir l'année gentiment, et puis voilà, sans plus, quoi. Bah c'est cool parce qu'on va mettre tous les 3 6 parce que... Parce que moi aussi, je suis d'accord avec vous, c'est moyen, c'est pas vieux de transition, il n'y a pas de... Même s'il y a deux bons matchs à la fin, le reste est assez pauvre. Ok, il y a de l'action de ring, il n'y a pas vraiment de changement, mais ça reste passable, quoi. Enfin, ça reste... C'est pas inoubliable. Donc, moyenne de 6, we are one, we stand together, comme la Nexus. On est un 3MB. Oh non, bah ce qui est mal, c'est Brusty. Oh non, voilà, j'ai été sûr qu'elle allait mettre ça. C'est la première fois de l'histoire que tous les membres d'une émission sont d'accord sur la note. Hein. Oui, Ouais, même enfin. Sigus, je sens qu'il aurait balancé une note différente comme ça au pif sans voir, mais Un Gus, déjà, faut qu'il regarde le pay-per-view. Donc... on le pardonne, il est pas très tienné, on peut le comprendre. Non, mais après, ça aide aussi, on n'est que 3. D'habitude, par exemple, pour les Sunday Night Wrestlers, on est 5-6. Donc forcément, là, c'est un peu plus dur pour avoir tous la même note. ouais, mais bon, non, mais pour finir, quand même, si cette moyenne générale, faire un... de nos points de vue de spécialistes, en tout cas, bah, c'est plutôt pas mal finalement, ce que la TNA a progressé, quoi. J'aurais pu Parce mettre. que quelque chose de moyen et faire 6, à l'époque, c'était 4. Hein. Oui, non, mais j'aurais pu mettre un peu moins, mais à l'époque où quand on mettrait 4, c'est parce qu'il y avait des fins de match vraiment pourries. Là, la fin de match du Main Event ou la fin de match comment? Du Austin Aries Bully Ray, ça gâche pas trop le truc parce qu'avant, il y a eu du contenu au niveau du ring. Alors qu'avant, il n'y avait pas trop de contenu, c'était un petit peu chiant, un petit peu lent dans le ring, et puis il y avait une fin de match pourrie, quoi. Par exemple, moi, je me souviens d'un Sting. Sting Kurt Angle, je crois, de 2011, qui était. Oh putain! Qui avait rien dans le ring, quoi. Puis il y avait un match pourri, quoi. Là, ça oui. De toute façon, l'année 2011, c'est sans doute la pire de l'histoire de la TNA. Donc... Ah, c'est pas 2010. 2010-2011, on va dire. Voilà, Ça se tient. c'est un petit couple. Je pense qu'on va pouvoir passer au bref avec cette note de 6 pour le pay-per-view. Le retour sur l'année 2012 également. Oui, je pense qu'on va faire ça tout de suite, comme c'est le dernier pay-per-view de l'année. On va peut-être parler des brèves d'Impact ou bien de 2013 après. Donc, pour vous, 2012, c'est une bonne année TNA ou c'est une mauvaise année TNA? Brutti. Incontestablement bon, hein. C'est sûr, j'aurais pas dit ça au moment de lockdown parce que c'était vraiment catastrophique les 3-4 premiers mois. C'était dans la foulée de 2010-2011, donc, mais ensuite, vraiment, c'est montant de température. La TNA a surpris par d'excellents choix, en confiant notamment le bon rôle à Austin Harris pendant longtemps et aussi bah, en permettant de faire des matchs corrects qui, avec des fins clean en longueur. Après, il y a eu des stories pourries, dont celle de AJ Styles avec Claire Lynch et Dixie Carter. Bon, ça, Tiené ne peut pas s'en empêcher. Là, elle a rajouté sa lèvre au Kogan, tant qu'à faire, ça aussi, Tiené ne peut pas s'en empêcher. Bon, ça, c'est les points négatifs, on va dire. Kogan, voilà, General Manager des Knockouts, on s'en fout, quoi, complètement. Qu'elles sont aussi mises en avant. Après, il y a vraiment de bonnes choses, de belles évolutions. La TNA a vraiment voulu progresser en faisant ses choix en live depuis l'été, en se délocalisant aussi un peu et en faisant aussi le concept d'Open Fight Night. Bon, même si ça n'a pas été toujours concluant, la plupart du temps, c'était déjà pas mal. Et puis le truc du gut check a ramené un catcheur, on va dire, de qualité. Le reste à voir. Non, mais vraiment, c'est une année vraiment positive. La TNA s'est remise sur les rails, à mon avis. Après, il faut voir si elle peut continuer comme ça et pas s'enflammer, quoi. Après, on va voir. Mais on a vu plusieurs bons pay-per-views. Ça a entré rassurant. Un bon Bound for Glory. Ils ont été à la hauteur. Anniversary, pareil. Destination X, pareil. À part Lockdown, en fait, tout le reste de l'année, ils ont toujours bien assumé leur tournant. Non, vraiment, de bonnes positions. Après, les titres. Là, par le titre mondial, c'est vrai que y aurait à dire le titre par équipe a été relevé à un moment donné, mais après il est retombé. Le titre Exhibition, il a été relevé à un moment donné, mais après il est retombé. Au-dessus de télévision, il a toujours la même exposition. C'est peut-être au niveau des titres encore que le bât blesse et qu'il y a une progression à faire, à mon avis. Mais bon, après, bah, si j'avais un comparatif à faire à la WWE, en quelque sorte, je trouve que Athénée a mieux réussi son année. Faut dire qu'elle tombe de plus bas et qu'elle a assumé, à mon avis, ses paris, même si l'audience n'a pas toujours tenu. À mon avis, elle a quand même réussi les choses qu'elle a entrepris, quoi. Poutine nous a fait une MP là, il nous a fait un monologue. Donc Fallait avant, résumer une année. oui, avant que Sébastien donne son avis, je vais donner les avis qu'on a eu sur Facebook par les auditeurs. Alors, l'avis de Parent Noël, pour moi la TNS c'est une entreprise plus familiale que la WWE. Bon là je mettrais peut-être un petit bémol, je suis pas vraiment d'accord mais bon. Ah si, il y a Hulk Hogan qui ramène sa fille et puis il y a le fils de Eric Bischoff qui lutte. C'est familial. Oui, non mais dans. Pour moi, le produit à la télé, il n'est pas familial, il n'est pas PG. C'est là où je suis pas d'accord, mais Il est sinon. interdit au moins de 14 ans aux États-Unis, apparemment. Impossible, faudrait demander à MP si c'est le cas au Canada, mais c'est possible. Après, en même temps, quand on voit Hulk Hogan à moitié à poil dans le ring, forcément, faut pas montrer ça aux jeunes, quoi. Faut pas les choquer. Même à notre âge, ça passe plus. Faire enfin, à mon âge, ça passe plus, quoi. Ah oui, bah en même temps, même avec du Viagra et Hulk Hogan, ça passe fort. Hein. Enfin bref, donc. On reprend sur les propos de Parent Noël. Pour moi, la TNS est une entreprise plus familiale que la WWE, mais les matchs sont bien mieux. Plus de sang, plus de stipulations extrêmes, plus de bons matchs. Pour moi, la TNS, c'est un peu comme la WWE durant l'ère Attitude. Parfait. Il manque juste une seule chose, le fait que ça ne soit pas diffusé sur les chaînes gratuites en France. C'est dommage. On rappelle que c'est diffusé sur Ma Chaîne Sport, commenté par Grégory Diss et Célian Varini. Donc, le deuxième avis de Declan Johnson, je trouve que la TNS continue de se construire doucement mais sûrement, elle semble prendre une bonne direction depuis cette fin d'année 2012, bien qu'écarter AJ Styles du titre est sans doute pas la meilleure solution. Sur ce dernier point, je suis d'accord. Plutôt, une belle année dans l'ensemble, avec Harry Hayes et Roode qui ont bien tenu la baraque, Jeff Hardy en tant que champion, c'est franchement pas terrible, ces matchs sont devenus aussi mous qu'un affrontement de grand-mère. Je suis assez heureux de l'année 2012 de la TNA. Je suis pas vraiment d'accord avec Jeff Hardy, moi, personnellement, mais je trouve que. Ah oui, c'est vrai que là j'ai pas dit encore, mais c'est vrai que Jeff Hardy c'est un point positif de l'année quand même. Je trouve que, y a une montée en puissance. Sa rivalité fin 2011 contre Jeff Jarrett, c'était un peu chiant. Contre Bobby Roode, bah Bobby Roode était dans sa période je fais tout pour gagner, donc c'était pas vraiment intéressant. Mais après, je trouve que, justement, quand il a commencé à faire des matchs contre Aries et Roode, là, ça a pris du sens. Bah, Sébastien qui voulait commenter ce bilan. Alors moi je vais être sans doute plus bref que Bruce Lee, mais ce que j'ai retenu comme bon point, c'est que la TNA a innové en 2012 avec notamment les concepts le Gut Check, le Open Fight Night ou également le Impact Wrestling en live. C'est un truc qu'on attendait depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années. Et je trouve que le résultat dans le ring se fait ressentir, les shows sont plus solides. Et paradoxalement, je dirais même, parce que en principe, si les shows sont enregistrées, tu peux cacher ce qui n'a pas allé avec le montage. Et finalement, les shows étaient moins bons quand ils étaient enregistrés que quand ils sont en live. Après, j'ai également noté que le Bound for Glory Series cette année était beaucoup mieux réalisé que l'année précédente. Donc ça, c'est également un bon point. Tu as kiffé la victoire de Ruby sur Jeff Hardy, c'est ça? Ah oui, c'était un grand moment. Non, et sinon, un petit peu déçu sur la division par équipe, par contre, et la division Knockout, parce que je trouve que les deux titres ont perdu beaucoup de valeur en cette année-là. C'est le seul point négatif que je retiendrai, mais globalement, je suis très très satisfait de cette année 2012 et espérons que ça continue en 2013. Alors assez rapidement, sans trop développer, l'espoir de l'année, Brutti. Que ce soit catcheur ou concept ou n'importe quoi. L'espoir de l'année, c'est des bookings plus cohérents déjà. Voilà. Mise en avant du in-ring au détriment du blabla, même s'il y en a encore, mais moins qu'avant. Sébastien, l'espoir de l'année. L'espoir de l'année, Kenny King. Ah, je suis assez d'accord. Pour moi, l'espoir de l'année. Putain, je sais même pas répondre à mes propres questions. Peut-être le gut check parce que même si le concept n'est pas parfait pour l'instant, si on utilise les bons catcheurs ou les bonnes, on les met en avant comme il faut, je pense que ça pourrait apporter pas mal de bons catcheurs à la TNA par exemple. Pour un gut check en 2013, faire combattre une équipe contre une équipe de la TNA, une équipe indépendante par exemple. Une vraie équipe, hein, Ah, pas ouais. assemblée de catcheurs indépendants pour qu'ils fassent un match. Hein. Ce serait une idée, effectivement. Pour moi, ce sera le gut check. La déception de l'année pour Bousti. Ben, la descente aux enfers de AJ Styles, autant de défaites, enfin autant de défaites sauf contre Daniels où il a gagné 2 fois sur 3. Mais ouais, sa descente aux enfers clairement, et puis que ça annonce une demi-tresse pourrie, je comprends pas trop où la tienne veut en venir à lui. Sébastien, la déception. Ouais, pour moi, c'est pareil. Hein. C'est AJ Styles qui a eu une année terrible et notamment il était impliqué dans des storylines assez dégueulasses. Donc j'espère que ça va aller mieux pour lui en 2013. Et je dis ça, et pourtant il va être privé de titre pendant quasiment toute l'année. Mais ça va être difficile de monter la pente. Ouais, c'est ça. Pour moi, ce sera la X-Division. Parce que avec Austin Aries, elle va regagner un petit peu de temps d'antenne et de bons matchs. Et depuis qu'Austin Aries a été couronnée champion poids lourd, elle a un petit peu redescendu dans le bas-fond d'Impact. Alors, j'ai eu un petit espoir quand Rowan Dam a gagné le titre. Parce que je me suis dit, certes, Rowan Dam, il est plus. Comme il était avant en très grande forme, mais c'est un catcheur enfin, très connu et c'est une figure de la TNA. Peut-être que ça a apporté un petit peu plus de temps d'antenne, mais finalement pas vraiment. Donc pour moi, ce sera la X-Division. Le catcheur de l'année pour aussi. Catcheur de l'année, bah je dirais bah, c'est un petit peu différemment pour l'instinct, je sais que j'ai mis là sur Wessels. D'ailleurs, vous pouvez aller voter sur le topic que Sébastien a créé là sur les TN Awards. Exactement. N'hésitez pas sur le forum Wessels, rubrique TN. Le catcheur de l'année, c'est Austin Harris, évidemment, quand même, parce que il a fait revivre la ceinture d'X-Division, et puis après il a vraiment assuré un champion. Niveau segment et tout, y a pas de problème avec ça, donc voilà. Sébastien. Ouais, bah moi je veux dire pareil que Brusty, hein. Il a passé quasiment toute l'année avec un titre, que ce soit le titre X-Division ou le titre de champion du monde poids lourd. Il est toujours divertissant, quand il est très bon au micro, il est très bon dans le ring. Bref, il a tout. Pour moi, c'est la superstar de l'année, sans aucun doute. Bah, ça sera un vote à l'unanimité, puisque j'ai aussi dit Austin Aries. Alors, je rejoins Brusty, très beau règne, revalorisation du titre X-Division, et aussi, même si maintenant il y a un personnage heel que j'aime pas trop, je le trouve toujours très bon au micro et dans ses segments, et dans ses matchs aussi. Le catcheur que vous voulez voir partir en 2013, Brusty, attention. Eric Bischoff, ça va de soi. Eric Bischoff, pardon. Le lapsus. Et si bon, Garrett Bischoff, on sait, hein, c'est pas une grande nouvelle qu'on l'aime pas et qu'il est mauvais dans le ring, mais si c'est pas Garrett Bischoff, parce que bon, Bah, si c'est pas Garrett c'est Bischoff. trop simple, Garrett. Pas Garrett Bischoff. Oula, alors là, ça c'est une colle parce Pendant que que. tu réfléchis, je vais demander à Je Sébastien. dirais Robbie, voilà. Ah, Robbie, méchant. Oh, moi, je vais dire Crimson, hein, parce qu'il a eu quasi plus d'un an pour prouver sa Mais pour moi, valeur il est plus là alors. il a totalement raté son truc. Et d'ailleurs, oui, on le voit plus depuis qu'il a perdu sa série de défaites, sa série de victoires plutôt. Oui, Il fait que il est allé des à matchs en VW. house show et tant mieux, j'ai envie de dire. Ben, j'ai envie de dire, il est dans une fédération à son niveau, c'est-à-dire la OVW, qui est une fédération toute pourrie. Crimson, bon, il est quand même déjà presque parti. Moi, je dirais. Ah, je disais moi, mais je me suis dit c'est Nakol. lui. Robbie, moi je trouve pas si mauvais que ça. Enfin, Bret Hart, il est pas bon, mais je trouve que ça va. Merde. Là, tu te fais des Ah. propres codes à tes propres questions. C'est beau ça. Non, mais là je suis bon pour poser des questions, mais pas pour répondre. Bah, pendant que je réfléchis, vous allez me dire le catcheur que vous voulez voir arriver à TNA. Brusty. Oh bah allez, j'ai le choix entre deux. Oui, bien sûr. Bon, Shelton Benjamin ou John Morrison. Et pourquoi? Développe un peu pendant que je réfléchis. Pas trop, hein. Fais pas une Oh bah MP. parce que Shelton Benjamin, à mon avis, moi j'aimerais le voir avec plusieurs catcheurs, quoi, affronter plusieurs catcheurs, genre Bobby Roode, James Storm, AJ Styles. C'est donc vraiment des matchs inédits. Pareil pour John Morrison, en fait, c'est le même truc. Moi, je veux un mec spectaculaire qui a l'expérience, donc à partir de là. Voilà, ce sont les deux profils que je recommande. Si Hulk Hogan m'écoute. Pardon. Sébastien. Ouais, moi je suis plutôt d'accord hein, parce que ça me ferait rêver de voir des Shelton Benjamin contre AJ Styles ou encore des John Morrison contre Kurt Angle, de telles affiches, ouais, ça ferait rêver. Après, peut-être si j'en mettais un troisième, je mettrais peut-être MVP qui est très divertissant, il est très bon en micro, et il est plutôt pas mal dans le ring. Donc j'aimerais bien le voir de nouveau une fédération des États-Unis, que ce soit WWE ou TNA. Alors moi je vais dire le catcheur que je voulais voir partir. Alors je ferai un petit lot. Je ferai un petit lot de Sam Shaw, que je déteste et je trouve qu'il a aucun talent En et. gros, à peu près tous du gut check, Non, quoi. parce C'est ailleurs. qu'Alex Silva, je trouve que ça va. En plus il est québécois, donc ça peut apporter quelque chose de nouveau au niveau de la gimmick. Mais Sam Shaw, je trouve qu'il est Dis ça inutile. parce que c'est un copain MP. Non, non, bah non, justement, non, mais il n'y a pas beaucoup d'internationaux à part les Anglais à TNA, donc. Moi je dis pourquoi pas. Donc Sam Shaw, aussi Madison Rayne, même s'il est quand même un peu parti, puisqu'on la voit jamais. Sinon. Oui, les catcheurs que je voudrais voir arriver. Shelton Benjamin, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que Kenny King, lui ressemble trop, donc. Bon, à part peut-être un petit peu plus de charisme du côté de Shelton, mais je trouve que ça serait un petit peu trop flagrant. Morrison, je suis d'accord, parce que ça pourrait apporter déjà de la popularité à la TNA, puisque Morrison est assez populaire au niveau des fans, et puis ça pourrait apporter de très bons matchs. Et moi, ça serait Minoru Suzuki, un catcheur de la New Japan. Et je trouve d'ailleurs bah, qu'il n'y a pas beaucoup de catcheurs à l'étranger et que ça pourrait apporter un peu de stiffness à la TNA et mettre des kicks à Garrett Bischoff ou à je sais pas, Ruby, ça serait excellent. Et Ouais, quand on mais sait, ouais. la TNA n'aime pas trop les catcheurs japonais, notamment la Team No Limit, que Bruce Lee Ah affectionne oui. Oh bah particulièrement. alors là, attendez là, oui non mais là faut en parler 2 minutes. La team No Limit c'est quand même composé de Tetsuya Naito et Yujiro Takahashi, les deux mecs qui ont fait des matchs de 30 minutes d'une extrême qualité quoi cette année, faut le dire. Le pire c'est quand même Kazuchika Okada quoi, qui était le caméraman de D'Angelo Di Nero, qui foutait rien à la TNA, fait que la TNA voulait rien lui donner plutôt, et qui est catcheur de l'année au Japon quoi. Ouais, à partir de là. C'est vrai qu'ils aiment pas les catcheurs japonais. Et Minoru Suzuki, ouais, mais tu sais quel âge il a, Vincent? C'est pas grave. À mon avis, à 43 ans, je suis pas sûr qu'il va y venir à TNA. C'est pas grave, un petit run d'un an pour kicker des faces dès son entrée et faire de bons matchs contre, je sais pas, contre Samoa Joe par exemple. Ah oui, non, mais ça c'est sûr qu'il est. Ah, mais niveau stiff, avec un tas d'expérience, en plus il a de l'expérience aussi MMA, donc ouais. Après tout, ouais. Mais Bon. MP, lui, par contre, lui, il voudrait voir El Generico, qui est aussi dragué par la WWE, et Kevin Steen, lui, dans le genre stiff complet, branleur, enfin branleur. Donc, il a un style vraiment qui fait se relever, quoi, enfin, se lever du siège direct, parce qu'il fait des trucs. Il défie l'autorité naturellement, lui, en fait. Il n'a même pas besoin de se forcer, Et puis quoi. un peu comme Samoa Joe, il n'y a pas forcément il y a un petit peu un physique ingrat, mais il sort de super prise. Donc je pense qu'on a fini ce bilan, on a un petit peu tout dit. Ben ouais, je pense, ouais. Donc on va passer aux petites brèves. On parle de quoi d'abord? De lockdown? Oh, bah oui, comme tu veux, voilà, lockdown. Parce que je trouve Lockdown qui que. sera mise un peu plus en valeur, ça, je pense qu'il faut en parler. Enfin, je pense qu'on va déjà parler des rivalités, parce que je pense qu'il y aura pas mal de rivalités. Bah, qui sont en cours et qui vont aller jusqu'à lockdown. Par exemple, Aces and Eights, je pense que ça va aller jusqu'à lockdown. Et Ben, peut-être. ce sera le match signature et les seuls lockdown, quoi. Entre une équipe composée, je pense que tu auras déjà Kurt Angle sans doute. Tu peux Samoa Joe, mettre Samoa Joe. ouais. Tu peux Possible le mettre. Jim Storm peut-être aussi. Ouais. Tu peux mettre le frère d'Abyss, je pense qu'il sera certainement là. Ça, je suis pas sûr, mais je pense quand même à un retour de Mr. Anderson qui a été attaqué par les Seasonates et Sting déjà. C'est Sting aussi, ouais. Ah les oui, deux grands Sting, oui. catcheurs qui ont été attaqués par les deux quoi. Mais sachant que c'est le deuxième pay-per-view par importance de la TNA, ouais, Sting, fort probable, ouais. Puis peut-être Magnus, on sait jamais, peut-être de retour de blessure. Même Eric Young, on sait jamais, parce que c'est une brève, c'est qu'en fait, il a renouvelé son contrat, donc il continue. Hein, pourquoi pas? De toute façon, c'est à 55, donc. Il y a pas mal de place quand même à. Enfin, même si côté TNA, je pense que ça sera pas très dur de remplir les catchers, mais il y a quand même quelques places à fournir. Et puis, je pense aussi que la rivalité Austin Aries contre Bully Ray, ça va aller jusqu'au lockdown, malheureusement. Ah non, ça tu crois pas trop. Moi je miserais plutôt sur un Harris contre Hardy en steel cage. Ah oui, ben voilà, non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, je suis tout à fait avec ce que tu dis, Sébastien, c'est ce que je pense. Ouais. Surtout que sur le poster de Lockdown, tu vois en haut à gauche, en haut à droite, à Hardy et Harris face à face, donc je pense que ça va se faire. Possible. Enfin, je sais pas, comme c'est une rivalité que Hulk Hogan et qu'il y a Brock Hogan aussi dedans, je pense que ça peut aller jusque là-bas, Non, non, mais à peut-être. mon avis, ça s'est fini là. Harris l'a mise profonde à Bully Ray et la famille Hogan, et puis basta, et passe à la suite, hein. Ça va durer un pay-per-view supplémentaire, je pense, et après ça va être Ouais, fini. peut-être Genesis, c'est vrai que Genesis, Bully Ray est sur la couverture, Sur le donc sur le poster. poster, ouais, donc il va être quand même en valeur, Bully Ray, puis ce serait mérité, ma foi. Tant mieux. Enfin, tant mieux que la rivalité ne va pas très très loin parce Fin. que. Parce que Brock Hogan, merci, quoi. Et peut-être aussi un match Velvet Sky contre Tara, en cage. Ouais, bon, alors ben là, bon, on va entrecroiser alors de Oui, bah bref. oui. C'est le retour de Velvet Sky, du coup, vivement souhaité par DC Carter, ben, finalement qui a réussi à la faire re-signer. Donc, Alors elle est d'ailleurs, apparue une fois. je vais te couper tout de suite parce que je vais faire un petit troll. Parce que si on suit la storyline, elle revient, elle dit merci à Brock Hogan parce qu'elle l'a fait revenir. Mais si elle est partie, sa patronne, c'est censé être Brock Hogan. Donc c'est censé être aussi Brock Hogan qui l'a fait partir, non? Bah oui, bon, de toute Ouais. façon, chercher la cohérence, Oui, des bon, voilà. fois. Et puis en plus, le retour de 2 secondes, enfin 2 secondes, 30 secondes, elle fait un discours miteux là. Eh oui, bah à dire qu'elle sera plus à potiche alors que là elle l'a faite, oui. C'est paradoxal. Ah, en montrant Bon, il y aura son des moments postérieur. fat fap, fat fap là pour, comme d'habitude, quoi, voilà. Oui, pour, surtout pour Chips Taz. lose. Oui. Il est content d'ailleurs. Non, mais je pense que Mais ça va aller. 2013, elle risque d'avoir un titre solide, du coup, Oui, je pense que panique. dans son contrat, pour la faire revenir, Dixie Carter lui a promis un long règne de championne. Ça va pas être très dur vu la mise en avant des knockouts et vu le roster qui est pas très consistant, quoi. Je sais pas, Sébastien, si tu as un avis sur ça, parce qu'après on va Sur repartir sur Lockdown. ouais sur le retour de Velvet Sky. Bah, je pense que Lockdown, il n'y a pas 36 matchs actuels qu'on Non, peut. mais Lockdown, c'est pas spécialement parler de la Oui, carte, on n'a pas mais. parlé de lieu, on n'a pas parlé de la mise en valeur voulue. Mise en valeur T'es ou pas d'accord? d'ailleurs. Hein. Mais Vas-y, moi je Sébastien. pense que elle peut avoir un petit match 1 contre 1 contre Tara à Genesis, mais après j'ai du mal à la voir en 1 contre 1 dans une cage. Donc j'espère que Mickie James sera ajouté, que ça fera un match à 3, peut-être, ça peut être sauver le combat. Ah oui, match à 3, oui, bon, ça je pense. Pour Lockdown, oui. C'est vrai que j'ai fait tout à l'heure, j'ai dit que Mickie James dégageait, mais je pensais plus pour Genesis. Après, elle réapparaîtra. Une Gail Kim peut-être aussi. Voilà. Donc au niveau de la carte, je pense qu'on a fini les spéculations. Peut-être parler du lieu, ça a lieu où Lockdown Brucey? Bah, ça a lieu à San Antonio. Ville de Shawn Michaels. Ouais, et dans une très très très grande salle qui peut se réduire d'ailleurs. C'est à se poser la question, la configuration qui sera adoptée pour le show par ailleurs. Bon, on la connaît. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que ce sera Il y a une seulement. hésitation entre deux configurations, moi je Non, dirais. non, je crois que Ce t'as pas. sera un petit coin de la salle qui sera Oui, pris en fait. je crois que t'as pas vu le truc. Ça a circulé un petit peu sur. Enfin, entre nous, mais apparemment. Il y a le plan de la salle comme pour acheter les tickets où on te montre ce qui est disponible. En fait, c'est un tout petit plan de la salle. Ouais. Il y a peut-être 20% de la salle qui est utilisée, même pas. Enfin, ça c'est bizarre parce que c'est quand même une salle de 65 000 personnes, je crois, quand elle est utilisée à son. Enfin, bon alors au départ, bon alors Oui. c'est au départ c'était la salle des San Antonio Spurs jusqu'en 2002 je crois. Et c'est quel nom la salle déjà? C'est le Alamo Dome ou un truc du genre. Ouais. C'est ça, oui. Donc 20 000 et quelques places en mode de basket. Et ensuite, eh ben, c'est étendu à 66 000 places parce qu'elle couverte, parce qu'elle accueillait l'équipe, elle accueille d'ailleurs l'équipe locale universitaire de foot américain. Oui, mais apparemment, enfin, d'après Mais évidemment, on est très loin de ça. C'est sûr que les le plan qu'on a photos vu, du enfin, stade, hein, oh, ça ne m'étonne pas parce que TNA ne va pas prendre de risque. Et c'est vrai mais que enfin, ça. 20 000 places, c'est pas possible pour TNA encore. Non, mais Ils même, peuvent c'est pas un remplir petit peu autant. con de payer une salle de 65 000 personnes pour en utiliser pas grand-chose. Autant louer une salle un petit peu plus petite et la remplir au max, quoi, non? Enfin, je comprends pas. Peut-être qu'ils ont peut-être une réduction sur la location, j'en sais rien. Mais ça semble pas très logique. C'est vrai que c'est assez ridicule quand tu vois le plan, que tu vois juste un tout petit coin de la salle qui est ouvert. C'est vrai que c'est assez drôle. Et d'ailleurs, il y a Renaud qui est sur le chat qui nous a rejoint en cours de route, qui nous dit que cette salle a été utilisée en 97 pour le Rumble et Shawn Michaels était champion. Donc oui, c'est assez bizarre que la TNA utilise cette salle, surtout que si c'est pour utiliser qu'une toute petite partie. Et Bon, des... après, je sais pas, c'est vrai que parfois dans les grandes situations comme ça, je sais pas. Mais peut-être ils ont été échaudés aussi des expériences passées. À Phoenix, il me semble aussi que ça avait fait un petit flop. À Détroit aussi, il me semble. Mais je me souviens plus trop de l'ambiance quand ils avaient été au Texas pour Slammiversary, dans la ville de Dixie Carter. Il y avait eu une bonne Ah ambiance. oui, Arlington, ouais. Je me souviens plus de l'ambiance, franchement, je crois qu'il y avait ça allait, mais C'était plutôt pas mal, ouais, je crois. donc Oui, peut-être. ça allait. Sauf que voilà, il y avait la moitié de la salle était vide, donc ça les a échaudés, ouais. Bah là, je pense que ça peut être vite vu la toute petite partie qu'ils vont utiliser, mais enfin voilà. Mais il y a aussi un truc à préciser. Alors, prochain pay-per-view, ce sera Genesis, donc qui lancera 2013, si il n'y a pas la fin du monde. Bon, je déconne là-dessus. Le 13 janvier prochain. Et ensuite, aucun pay-per-view jusqu'à Lockdown le 10 mars. Donc, ce qui fait quand même un délai rarissime de 2 mois. Oui, c'est le... Ça laisse quand même la route, une sacrée route. Et puis, les souhaits d'Eric Bischoff de réduire le nombre de pay-per-view commencent déjà, quoi, à se Oui, réaliser. c'est ce que j'allais dire, c'est la petite nouvelle de 2013, puisque la TNA a supprimé quelques pay-per-view. Alors apparemment, c'est Against All Odds en février, et le pay-per-view de septembre qui est No Surrender, pour permettre un petit peu plus de construction dans les rivalités, ce qui est franchement une bonne chose. Là, c'est une très bonne idée, ça permettra de développer mieux les rivalités. Donc moi, je suis totalement pour. Oui, ça permet de ne pas avoir un match à la dernière minute comme qu'on a eu pour Final Resolution pour le titre Exhibition pour avoir le Challenger, quoi. Ouais, clairement. Et puis en plus, ouais, bah c'est vrai qu'ils ont été assez chaudés, je pense, par la très mauvaise route vers Lockdown de l'année dernière. Donc ils ont voulu structurer mieux ça, je pense. À mon avis, c'est aussi ça, cette expérience de préparer ces pay-per-view. C'est pareil, et No Surrender, c'est le pay-per-view qui précède traditionnellement Bound for Glory. Donc, ils veulent laisser plus de temps pour préparer les deux gros pay-per-view en fait, à l'arrivée. Et puis peut-être aussi que ça leur permettra de faire un petit peu d'économie, puisque ça fait deux pay-per-view au moins à tenir, donc ça doit être pas négligeable au niveau de la location de la salle et tout ça, non? Oui, même si c'est les pay-per-view qui ont traditionnellement lieu à l'Impact Zone, ouais, quand même, c'est vrai que. C'est une réduction des coûts, c'est vrai que c'était aussi ça la raison. En même temps, de réduire, c'est réduire les coûts, quoi. Surtout que la TNA n'a pas encore a fait une année correcte au niveau des achats. C'est un progrès sur l'année précédente déjà. Mais c'est pas encore énorme. Donc c'est vrai que la TNA rentre peut-être pas toujours dans ses frais, c'est sûr. Et puis avec ses volontés d'aller faire des shows ailleurs, en février, je crois, c'est en février, il me semble, qu'ils vont aller en Angleterre et qu'ils enregistrent les shows. Ouais, bah il y a toujours Ça a son prix, donc forcément. la tournée de début d'année, et puis on va en parler tout de suite, comme tu parles d'Angleterre, il y a le programme qui arrive là. Je crois que c'est Bootcamp, TNA Oui, Bootcamp. British Bootcamp, ouais. Avec un grand favori, à mon avis, qui va arriver d'ici peu à la TNF, enfin, d'ici peu, courant de l'année prochaine, Oui, à mon donc avis. apparemment Ce sera c'est. diffusé le 1er janvier en plus, 2013. Oui, donc ça ben, sur la même chaîne qui diffuse Explosion Ouais, Challenge TV, c'est une chaîne. au Royaume-Uni, ouais. Ouais, Donc, enfin, alors, apparemment, c'est un sort de gut check, plus télé-réalité, donc plus Torfinaf. Donc, il y a quatre participants, je crois. Les deux jumelles de l'OVW, les sœurs Bloom. Il y a Marty Marty Skrull, qui a déjà catché en France, d'ailleurs, à l'OCTA. Et, je sais plus, Rockstar Spud, je crois. Enfin, je sais plus son ouais, c'est nom, ça. mais... Oui. Et Le grand favori, c'est Skrull, parce Oui, que. je pense que c'est déjà le plus apte... physiquement, parce que enfin le peu que j'ai vu de lui, il a déjà catché en Allemagne, il y a la West Side WXW, ouais. donc je pense que c'est plus apte et peut-être le plus populaire aussi, plus connu. Oh, bah oui, déjà en Europe, il est méga connu, et puis il est anglais, et puis bon, apparemment, bon, Magnus, même si Dixie Carter l'adore, bah, il n'a pas vraiment fait son trou pour l'heure, et puis faut une figure aimée au Royaume-Uni, et puis Marty Scurll, pourquoi pas, il pourrait, ouais. Un petit mot, Sébastien, sur ce programme ou non? Oh, c'est un programme tout d'abord que je ne regarderai pas, donc je n'ai pas forcément porté un véritable intérêt là-dessus. D'ailleurs, le gagnant, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il gagne, si, il gagne un contrat, c'est ça? Ouais, apparemment, Ouais, enfin, je ne me suis pas renseigné à fond là-dessus, mais il me semble que c'est un contrat, ouais. si c'est Ah pour oui. apparaître autant que les gagnants du gut check actuellement, ça n'aura pas une grande valeur. Hein. Ouais, mais Ah oui, après, c'est vrai. les gagnants du gut check, c'est plutôt pour partir à l'OVW. Là, je sais pas si c'est pour vraiment mettre en avant, peut-être son équipe avec Magnus ou un truc du genre. Enfin, si c'est les demoiselles, non, mais peut-être un truc du genre. Enfin, et tout en continuant sur le Royaume-Uni, il y a AJ Styles qui prêche un petit peu pour que Slammiversary se passe en Angleterre. Ce serait une bonne chose parce que quand on voit le taux de remplissement des salles et l'ambiance qu'il y a à chaque fois au Royaume-Uni, je serais pas contre, effectivement. Ben oui, surtout que c'est le Royaume-Uni, c'est l'endroit où la TNA arrive à battre la WWE en audience. Alors, il devrait tenter. Ouais. Ouais, c'est Royaume-Uni et Australie, je crois aussi. Ouais, ils envoient généralement des catcheurs pour faire un peu de promo. Je crois qu'il y a AJ Styles et Bobby Roode qui avaient été il y a pas longtemps. C'est des pays où ça marche bien. Donc je pense Voilà. qu'il n'y a plus grand-chose à parler à part la Mais il y a vidéo. une dernière petite, ouais, voilà, vidéo, ouais. Donc une vidéo qui annonce ou un retour, enfin on sait pas trop, enfin normalement c'est un retour. Alors ça annonce une date. Alors déjà une petite critique de ma part. Il y a tout le monde qui dit ouais ça ressemble à la promo de Chris Jericho. Mais en même temps, tu fais une promo pour annoncer un retour, il y a forcément une date. C'est pas parce que c'est une date avec des. Enfin configurer les deux chiffres, points de chiffres, deux points de chiffres. Que ça ressemble forcément à que j'écoute, surtout que l'ambiance n'est pas la même. Là, c'est une ambiance un peu comment, un peu sanguinaire, un peu Ouais, apocalyptique. comme à l'enfer, oui. On peut dire ça comme ça. Oui. D'ailleurs, le slogan, c'est quoi? Parce que tu l'as vu il y a pas longtemps, aussi. Alors, ben, je suis pas très très anglophone, donc je sais pas si je traduis exactement. Alors, reckoning, ça doit vouloir dire calcul, donc ça veut dire que bon, on va essayer de traduire un petit peu Bon, en gros, je crois que la route sera pavée les de cartes sang. sont en main et la route vers l'enfer sera pavée, ouais, avec leur propre sang. Donc plutôt un personnage extrême, un personnage violent. Est-ce que ce serait pas le roi? Avec leur au pluriel, donc est-ce que c'est un groupe qui arrive? Oh non, mais moi je vais pas chercher très loin. À mon avis, c'est le retour de Sting et voilà. Ah, moi non, je pense que c'est plutôt le retour d'Abyss. Parce que Mais Sting a pas un. est-ce que c'est un retour à plusieurs? Parce que quand même, la route pavée avec leur propre sang. Est-ce qu'ils parlent des adversaires? Oui, je pense là, je pense que c'est clairement les adversaires. Non, moi je pense que c'est plutôt Abyss, quoi, parce que pavé de sang, ça, je sais pas, Sting n'est pas forcément violent et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'une vidéo pour faire le retour. Ou alors, est-ce que l'indice, c'est que quand il parle de end, il fait référence à la Dead Man's End de l'emblème des SSNH. Est-ce que voilà, est-ce que ça serait ça que Sting justement, il avertit les SSNH qu'ils vont déguster quoi. Possible. Franchement, je pense que c'est Abyss, faut pas chercher plus loin. Moi, je Ouais, trouve mais que. non, mais faut pas chercher plus loin. Moi, je suis avec Sébastien. Mon explication, à mon avis, c'est pas pour faire le malin, mais tiens la route. Non, mais moi, je trouve que Sting, il n'y a pas. C'est Enfin. Sting qui adresse un message de vengeance aux SSNA. C'est après tout le 3 janvier 2013. Bon, bah, c'est 10 jours avant Genesis, mais c'est presque la route de Loudon. Donc après tout, voilà, il revient pour la route. Possible. Enfin, ça c'est ce que j'ai en dit. Après, c'est vrai que n'hésitez pas à donner votre avis après tout, ouais, sur la page Facebook, au Twitter aussi, à OSS Radio. Après tout, on a peut-être tout faux. Ouais. Ah, peut-être qu'il y a un catcheur. Nouveau catcheur. Ouais, peut-être un nouveau catcheur ou un ancien, genre Crimson, qui revient pour se venger. Oula, ça ferait peur. Si c'était lui, ouais. Oui. Enfin. Oh bah oui, il a plus compliqué que ça. Je pense que pour finir l'année en beauté, je pense que c'est réussi. Alors, on va citer les partenaires, on va sûrement en oublier quelques-uns parce qu'on n'a toujours pas fait de liste. C'est la faute à Gus, hein. De toute façon, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, c'est la faute à Gus. Donc, Effet papillon. oui, voilà. Benabar. Les partenaires. Donc, Voxcatch. Un magnifique Ah, site magazine. Voxcatch. Ah oui, je précise. Bon, ben, coucou à Orbaz d'Arène et Top Level, même si lui, je sais pas s'il écoute. Non, je déconne, il écoute. Oh, mais il écrit pas, donc Et sans. Voxcatch, ben, j'y ai fait la review de Final Resolution aussi. Bon, là, je vous ai pas mal bassiné les oreilles, mais je peux vous bassiner aussi les yeux. Alors, je suis obligé de citer la blague MP. MP qui dit un indice majeur concernant le retour de Crimson, le fond de la promo est orange et les cheveux de Crimson sont roux. Merci MP, tu apportes ta pierre à l'édifice. Mon Dieu. Donc, dans les partenaires, on a la Wrestling Evolution League, la WEL. Vous pouvez jouer sur cette eFed sur PS3, il me semble. Ah oui, W13, ouais. Après, il y a quoi comme partenaire? Il y a l'addiction qui nous fait de temps en temps de la pub, merci à l'addiction. Il y a iTunes, où vous pouvez écouter les podcasts. Il y a Twitter, notre compte, @Westside Radio, notre page Facebook, FN Lutte, où Sébastien nous publie de temps en temps, nous fait de la pub aussi. Exactement. Qu'est-ce qu'on a encore comme partenaire? Les cahiers du catch. Voilà, merci. Instant Catch, petite promo, comme Oui, ça serait bête c'est là que moi le tu oublies. patron. Ah oui, ce serait bête. Schrengus, là. Donc. Avec plusieurs sorties prévues là pour la fin de l'année, donc soyez attentifs. Alors, je pense. Fast and Catch Oui. averti sur Facebook, le forum Wessels et sur le compte Twitter aussi, @instantcatch. Donc, premièrement, Instant Catch a une page Facebook, un Twitter, donc @instantcatch avec le i de instant et le c de catch en majuscule, si je me souviens bien. Il y a le blog instantcatch@wordpress.com. Et alors, le dernier épisode pour l'instant, c'est toujours le Survivor Series 2001, le main event. Mais enfin, ça ne sera pas sorti quand le podcast sortira, mais vous pouvez regarder normalement prochainement un match entre James Storm et Kaz, ben l'opener de ce Final Resolution dans Instant Catch. Et je pense aussi qu'on va faire un match vintage, un match de l'échelle de 2002 de la TNA. Ouais, G Styles, entre autres. Il y aura d'autres choses qui viendront de d'autres fédérations, mais pour TNA, ce sera ces deux matchs-là. Voilà, je pense que c'est fini pour Instant Oui, vous Catch. aurez oui, c'est vrai, vous aurez un beau vintage avec la WCW, voilà. Et du Japon. Espèce de spoiler. Et je Non. vous rappelle encore que vous pouvez voter pour les Impact Wrestling Awards 2013 qui sont sur wrestles.fr. Les votes sont comptés jusqu'au 20 décembre. Et puis surtout, ce qui est peut-être le plus important, n'hésitez pas à réagir au podcast, à nous écouter bien sûr sur YouTube, Archive ou iTunes, mais aussi à réagir parce que si on fait ce podcast, c'est pour le plaisir, mais surtout pour le plaisir d'être, d'avoir des réactions par rapport à ce qu'on dit. Si on dit des conneries, il faut le dire. Si on dit des choses bien, il faut le dire. Si je suis pourri à l'animation, il faut le dire. Si vous voulez le retour de Gus, il faut le dire. Si vous voulez le retour de Ben, il faut le dire. Il faut nous envoyer des mails ou à l'adresse mail ou le Gmail qui est rassosradio@gmail. Ou alors des messages privés ou pas sur Facebook, ou alors des tweets sur Twitter. Oui, Enfin. et en parlant de Twitter, nos comptes rapidement. Vincent@watcho.com. Oui, bien Mathieu sûr. Vincent, pardon. Bien sûr, Boussy. Sébastien@ricalewis67. Moi, c'est @phililand. Gus, c'est Sparta tiré du 8 Gus. MP, Ouais. c'est WR Maxime WR Poulain. Maxime, hein, c'est ça, ouais. Il y a Renault. Renault, c'est Malenko06, Malenko comme le catcheur d'In Malenko, Orbaz. 06 comme la région de Nice. Orbaz, c'est Will Orbaz. REL Orbaz. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tifo. Oui. L Tifo. EL Elle Tifo. tirait du 8, Tifo. Ah oui. Et oui. Et Verpadoro. Je crois qu'on a oublié personne. Et quand même, une précision qui me semble assez indispensable. Regardez bien sur Facebook et allez sur le compte Wessels. Vous pouvez écouter l'album de Ben au Kazoo. Kazoo, Ben Kazoo Addict. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, à écouter, à télécharger, à partager. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Continuez à nous écouter, que ce soit sur n'importe quel support. Continuez à réagir à nos podcasts, ça nous fait plaisir. Je pense qu'on va faire un petit au revoir aux auditeurs et on va aller se coucher. Et oui, rendez-vous à 2013 pour la TNA et rendez-vous dans une semaine pour la WWE quand même, s'il y a quand même TLC qui arrive la semaine prochaine. Oui, et les awards aussi au début 2013. Ah, évidemment, ouais. Les awards WWE, puisque la TNA sera plus par écrit sur SS.fr. Je pense qu'on a fini. Peut-être faire un petit au revoir, à moins que Gus sur le chat a un truc à nous dire. Voilà, je Bon, vous... bah D'accord. Gus n'a rien à dire. Il nous applaudit pour la qualité du podcast. C'est bien. Il a dit super, vous êtes géniaux, je vous adore. Voilà. Bon, bref, alors on peut dire au revoir, je pense, avec, c'est pas encore quoi finir, mais vous, vous écouterez là le hit final, je pense. On verra quoi mettre d'ici là. Allez, à bientôt, sortez couverts parce qu'il fait froid. À bientôt, ouais. Bonne fin d'année.